Bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième, déjà, sixième numéro de Lifecast. Je suis Alexis et aujourd'hui, je vais avec mon collègue, mon ami Fabien, parler, débattre e-sport, puisque c'est le sujet qui a été retenu pour ce sixième numéro. On va essayer de faire un petit peu un constat d'où en est la scène e-sport aujourd'hui et quel avenir on peut imaginer côté e-sport. Avant ça, comme d'habitude, on va traiter de nos actus du mois, nos coups de cœur et coups de gueule, et on va enchaîner du coup sur ce débat. Fabien, ça va ? Ouais, ça va très très bien. La question habituelle, enfin je dis habituelle, mais c'est une tradition seulement depuis un numéro. Oui. À quoi est-ce que tu joues en ce moment ? Alors, comme le mois dernier, je continue à poncer le dernier God of War. Ouais. Donc là, je sais très bien que c'est assez simple, enfin entre guillemets, simple d'avoir tous les trophées du jeu. C'est une question de temps et d'investissement, on ne peut pas vraiment en rater. Donc là, il m'en reste un à avoir et je décroche le platine. Donc ça demande un petit peu de travail, de customisation. T'as déjà pas mal de platine ? Je dois avoir une petite quinzaine depuis l'époque PS3. Quand je vois un jeu où je peux atteindre un platine sans avoir à refaire le jeu en mode difficulté supplémentaire, etc., je fais en sorte d'avoir le platine. Et ma petite question, c'est est-ce que depuis le mois dernier, ton avis sur God of War a légèrement changé ou pas du tout ? Un petit peu. J'avais dû dire le mois dernier que le jeu, je trouvais pas si open world que ça. Ouais. Et finalement, j'ai quand même bien écumé les différents niveaux du jeu. C'est quand même une grande zone, assez large. C'est quand même un peu mieux que je pensais. Donc finalement, on a de quoi visiter. C'est quand même suffisamment dense. Et du coup, là, t'as fini l'histoire. Alors, j'ai fini l'histoire. Donc, on peut continuer le jeu après l'histoire pour faire les boss supplémentaires, les quêtes secondaires, etc. Donc, ça, c'est bien. Et une fin qui laisse présager d'une suite. Ah, oui. Ouais. En fait, il y a une fin un petit peu différente où vraiment on peut voir un peu qu'il peut y avoir justement une suite. Mais c'est pas le seul élément. Il y a d'autres choses qu'on peut voir, des petits easter eggs qui sont cachés un peu dans le jeu qui permettent de se dire tiens, ils n'ont pas exploité ça. Ok. Donc on peut imaginer justement qu'il laisse une porte ouverte à un autre God of War un peu mythologie nordique. Même si bon, il y a toujours la liaison par rapport. Et bon, vu le succès de celui-ci, ça m'étonnerait qu'il passe à côté de l'opportunité d'en faire un deuxième. C'est ça. Et puis il avait gagné les Game Awards, je crois. Ouais, en plus de ça, c'était un succès à la fois commercial et critique et assez fou. Je pense que pour beaucoup, avec Red Dead Redemption 2, c'était le meilleur jeu de l'année 2018. Donc ça laisse présager de belles choses pour la suite. C'est clair. Et toi, t'as pas d'autres jeux du moment ou... Mais non, en fait, je me suis vraiment concentré là-dessus. Je joue assez peu là, depuis ces dernières semaines. Le peu de temps que je... C'est le platine. Voilà, c'est le platine. D'accord. Pour répondre à ta question, moi, de mon côté, peut-être un peu plus enthousiaste que le mois dernier. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais le mois dernier, j'étais un peu deg. Ouais. Alors, effectivement, c'est toujours pas de la nouveauté, mais je me suis remis sur des jeux soit que j'avais déjà fait, soit que je n'avais pas fait. Et du coup, dernièrement, là, j'ai continué à jouer pas mal à Fortnite, mais j'ai ressorti Train 2. Ah oui, un jeu que j'avais adoré. Et là, j'ai un pote qui m'a demandé, ah, t'aurais pas un jeu qu'on pourrait faire en coop ensemble, ça pourrait être cool. Mmh. Et vu qu'il avait déjà fait Portal 2, je lui ai proposé Train 2. Ok. Et donc, en ce moment, on est là-dessus et c'est un gros kiff parce que c'est un jeu que j'avais adoré. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un jeu de plateforme réflexion coopératif qu'on peut faire en ligne où on incarne trois classes de personnages, soit une voleuse avec un grappin, un magicien ou un guerrier, si je me trompe pas. C'est ça. J'en ai pas oublié. Et hyper cool, en gros, il va falloir avancer dans des niveaux. C'est des environnements un peu heroic fantasy. Complètement, même. Quasi à la Seigneur des Anneaux, presque. Ouais. Bref, c'est assez cool. J'ai joué à un autre jeu qui s'appelle Please Don't Touch Anything. C'est un petit jeu indépendant complètement barjo où, en gros, c'est tout con. Tu lances le jeu et tu vois une espèce de tableau de bord avec un écran devant et t'as juste un gros bouton rouge et c'est marqué Please Don't Touch Anything. Et en fait, si t'appuies sur le bouton, il y a une explosion nucléaire. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'en fonction des actions que tu vas faire sur différentes parties de ton interface, tu peux débloquer des fins différentes. C'est complètement barjo. C'est un petit jeu à la con. mais c'est génial. Vraiment, c'est génial. Et c'est un jeu sur quelle plateforme ? J'y joue sur PC, mais il est peut-être sorti sur... Ça m'étonnerait pas qu'il soit sorti sur Android et compagnie. D'accord. Il faudrait vérifier, mais en tout cas sur PC, sûr. Et pas sur console, hein, du coup. Pas à ma connaissance. Okay. C'est vraiment un tout tout petit jeu. Hein. D'accord. Donc un jeu. C'est un truc tout con. L'interface ne change jamais en fait. C'est juste comme un. T'as l'impression en fait d'être, ouais, de voir le bouton pour faire exploser une arme nucléaire dans un bunker, tu vois. Ok. Et en gros, tu vois juste. Hop, un tableau de bord avec ce bouton rouge, un écran, et en fait tu vas te rendre compte que si t'appuies juste une fois sur le bouton et qu'ensuite tu tournes un truc, paf, ça fait péter, et que si t'appuies trois fois sur le bouton, ensuite il y a hop, un truc qui se débloque, clac, t'actives, ensuite t'as un code secret à rentrer, bref, il y a des dizaines de fins différentes à faire pour le jeu, mais à chaque fois c'est des fins qui se trouvent en quelques secondes, quelques minutes. Quoi. D'accord, ok. C'est hyper cool, c'est... Du très court, quoi. Très court, mais très fun, et finalement, il faut quand même un peu se creuser la tête pour trouver certaines fins. Le plaisir étant d'essayer de débloquer toutes les fins. Parce qu'en fait, tu vas voir si tu arrives à débloquer toutes les fins ou non. Il y en a combien, tu sais ? Pas loin d'une cinquantaine, quand même. Ah, quand même ? Ouais. D'accord, donc il y a la rejouabilité. J'ai dû passer 3-4 heures dessus et je ne les ai pas toutes faites. Ok, ok. Mais vraiment, tu te prends la tête, des fois, il faut décrypter des messages et tout. Passer des lampes UV, des trucs, enfin c'est trop cool. Donc c'est assez innovant et ça change pas mal. Quoi. Alors c'est pas tout neuf, hein, c'est un jeu qui a déjà quelques années. Ok. Je crois que je l'ai sur Steam depuis 3 ou 4 ans et que je l'avais jamais lancé, je l'avais chopé dans un bundle de jeux indés, tu vois. Il avait reçu un certain succès, hein. Il avait fait pas mal parler à l'époque de sa sortie, etc. Mais effectivement, tu vas facilement relancer le truc pour essayer de débloquer les autres fins, etc. Mmh. Après, à mon avis, c'est le jeu sur lequel tu vas t'exploser la tronche pendant 4-5 heures et que tu vas assez difficilement ressortir après parce qu'il faut te remettre dans l'ambiance, parce qu'il y a un côté, voilà, t'es dans l'ambiance du jeu, quoi. Et voilà, bah, c'était mes trois jeux. Bah, impeccable. Ouais, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a un autre jeu, mais pas spécialement. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe bah, aux actus du mois. Fabien, quelle actu nous as-tu préparé pour ce mois-ci ? Il y a quand même eu pas mal d'actualités hein, en jeux vidéo ce mois-ci. Hein, oui, effectivement. Pas mal de mouvements, on est assez surpris. Surtout que là, on approche vraiment de l'E3. Mm-hmm. Donc, il commence à y avoir des révélations post-E3. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus une effervescence de dingue autour de l'E3 cette année. Après, c'est peut-être parce que je suis peut-être un peu moins à fond dans l'actu que ça a été le cas les autres années. Mais, c'est pareil pour moi. Hein. C'est pareil pour moi. Après, mais... on n'est pas sur une année où, à ma connaissance, il y aura d'annonces de consoles ou de choses comme ça. Donc... On s'en rapproche quand même. Hein. On s'en rapproche. Mm. Mais déjà, on sait que Sony sera pas présent à l'E3. Non. Donc, ils annonceront certainement la suite de leur côté. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un enthousiasme incroyable autour de cette E3 2019. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, les constructeurs et les éditeurs commencent à faire. À communiquer leur propre... de leur côté, ouais. Voilà. Et donc, du coup, ils court-circuitent un peu l'E3. Ce qui fait que l'E3, je pense, à terme, ce sera surtout un grand hall où on pourra tester des jeux qui vont venir. Ce sera une Paris Games Week professionnelle, quoi. Ouais, on aura beaucoup moins d'annonces, je pense. Ouais. Je crois que c'est aussi Electronic Arts qui ne fait plus de conférences depuis, pour cette année. Enfin, ah oui. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses qui changent. Et malgré tout, on attend quand même pas mal d'annonces. Et justement, comme les annonces se font pas mal maintenant avant le 3, en tout cas cette année, moi je vais revenir sur un jeu qu'on attend depuis un certain nombre d'années. Donc un célèbre remake qui peut être potentiellement hyper casse-gueule pour l'éditeur. Pour même si tu ne m'avais pas dit, je saurais déjà de quoi tu veux parler. C'est Final Fantasy VII, donc un jeu qui est cher au cœur de nombreux joueurs. Mm-hmm. J'en fais partie, j'en avais déjà parlé précédemment dans un podcast, c'était un de mes jeux marquants en termes de souvenirs. Et du coup, ce remake, j'ai eu très très peur au fil des années, parce qu'ils ont commencé à dire que c'était... un remake épisodique, avec potentiellement plusieurs studios, notamment CyberConnect 2 qui a fait les jeux Naruto, les derniers en date. Mm-hmm. Mais je me suis dit, bon, ils vont où ? Ils vont faire un jeu épisodique où chaque studio mettra sa patte, on n'aura plus vraiment la patte initiale du jeu originel. Et donc, récemment, là, c'est dans le cadre d'un State of Pledge de Sony, donc un événement vraiment typique PlayStation. Donc il y a eu un nouveau trailer de FF7 Remake qui donc présente quelques phases de gameplay et quelques personnages. Donc on voit que l'essentiel des extraits se base sur la première partie du jeu, donc à Midgar. Donc on est quand même assez hypé sur le design, ce qui a eu un petit peu de modification par rapport au trailer qui avait été diffusé en 2015 maintenant. Ouais. C'est un look un petit peu plus cartoon, on s'éloigne un petit peu du rendu Advent Children, je trouve, le film de Final Fantasy VII. Je trouve que le rendu est sympa, et en termes de gameplay, on a toujours cette fameuse jauge ATB, mais on n'a plus vraiment du tour par tour, on doit attendre à chaque fois. Ça reste quand même plus ou moins action. OK. Donc je trouve qu'il y a un petit air, sans vraiment dans petit air de Final Fantasy XV au niveau du système de combat, mais très léger. Je pense qu'ils vont le refaire différemment parce qu'il a été un petit peu décrié par les amateurs de la Complètement. série. Ouais. Et donc bah, ce FF7, l'avantage qu'il y a, je vois un peu, il y a eu un petit peu d'informations qui ont diffusé, ce serait toujours épisodique, parce que finalement faire tout un jeu aussi long que ça, complètement en 3D avec des effets de partout, etc. Sur un seul jeu, une seule galette, ça aurait été compliqué. Du coup, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il serait coupé en deux. Like. On aurait une première partie qui dure du début du jeu jusqu'à... Bon, je vais spoiler un peu, mais bon, le jeu, il a plus de 20 ans maintenant, jusqu'à la mort d'Iris. Donc, Sachant qu'il y a ça aussi dans le film de mémoire, dans le film, Advent Children. je sais plus du tout, à vrai dire, un C'est peu... la scène dans l'église, ça, non? Alors, la scène dans l'église, c'est la scène de retrouvailles, enfin de rencontre avec Iris et Ah oui, Cloud. mince. Ouais, c'est beaucoup plus tard, Ouais, désolé. voilà, mais c'est pas de souci. Et du coup, en fait, jusqu'à la mort d'Iris, ce serait une première partie du jeu qui sortirait, il n'y a pas encore de date, mais en premier. Et ensuite, il ferait une seconde partie qui démarrerait après la mort d'Iris jusqu'à la fin. Ce qui en soi est pas totalement. Bah, ça a du sens parce que c'est vrai que. À l'issue, dans l'histoire originelle, à l'issue de la mort d'Iris, le jeu s'ouvre complètement. On a vraiment tout le côté open world là, et c'est comme si finalement c'était un peu un autre jeu. Enfin, même si on a le même univers, la coupure là me semble tout à fait logique. Ok. Ouais. Donc plutôt enthousiaste. Bah, pour le coup, plutôt enthousiaste, beaucoup plus qu'avant. On sent que là, ça se précise, c'est plus carré, ça part pas en tous les sens. J'ai toujours un peu peur, parce que je suis un grand fan D'un de côté, je pense l'original. qu'ils sont allés un peu vite pour l'annonce il y a quelques années. Ah oui, bah ils ont voulu. Et c'est ce que tout le monde avait ressenti, je pense, Ouais. dès l'année d'après où on se doutait que, ah, en fait, c'est pas pour tout de suite du tout, quoi. Ben non. Mais surtout que les équipes étaient affairées sur le développement de Kingdom Hearts 3. Ouais. Donc du coup, évidemment, ça a un petit peu décalé les choses. Et donc, on devrait avoir plus d'informations à l'E3 encore sur ce jeu-là. On espère peut-être une sorte de démo. Ce serait idéal en fait pour se faire un petit peu une idée de comment ça se joue, quelles sont les mécaniques intéressantes. Ouais. Ok. Voilà. Donc plutôt enthousiaste, mais je reste toujours un peu aux aguets quand même. D'accord. Moi, de mon côté, mon actu du mois va faire un peu la transition avec des sujets qu'on a abordés dernièrement. Et c'est notamment l'arrivée de Journée sur PC. Donc, Journée, de mémoire, je crois que j'ai dû en parler une ou deux Ouais. fois pendant le podcast en disant que c'était un de mes jeux préférés de tous les temps. Oui. Et en plus de ça, je fais la transition avec le dernier numéro parce que Journée va donc arriver sur l'Epic Game Store. C'est-à-dire qu'il va arriver sur PC, mais à ce qui paraît, ce serait dans un premier temps du moins, ça c'est sûr, exclusif à l'Epic Game Store. Et en plus de ça, donc la sortie est prévue pour le 6 juin. J'espère que l'épisode sera sorti d'ici là, sinon il viendra juste de sortir. Vu qu'en ce moment, l'Epic Game Store propose des soldes qui sont hyper agressives. D'accord. C'est-à-dire que, alors j'ai plus en tête les chiffres, mais en gros, il y a des soldes hyper intéressantes sur tous les jeux à moins de 15 ou 20 euros. Et tous ceux à plus de ce prix-là ont le droit à 10 ou 15% ou 20% de réduction. C'est-à-dire que Borderlands 3, alors qu'il n'est même pas encore sorti, il est déjà en solde de préco. Et au D'accord. lieu d'être à 60, il est à 50, je crois. OK. Ce qui, quand même, est un tarif assez attractif pour une préco, quoi. Bah on sent bien en fait que justement l'Epic Game Store cherche à gagner du public par rapport Ouais. aux concurrents. Et là, je suis hyper content parce que Journée, c'est un jeu que j'ai tout le temps envie de faire découvrir à tout le monde. Et dans mon entourage, il y a certains joueurs qui sont pas du tout sur console et seulement sur PC. Et je suis hyper content parce que ce public-là va enfin pouvoir découvrir un des jeux qui, selon moi, vraiment bouleverser un peu les codes au cours de ces dernières années, à tout petit prix, 5 euros. 5 euros. Bah là, en ce moment, il est en solde à 5 euros. Ah oui. S'il n'est pas acheté là, pendant les soldes, à 5 euros, il sera ensuite à 14,99. Ce qui est son prix normal de mémoire. Voire même peut-être un peu moins cher qu'au format physique. Mais d'un côté, dans le format physique, il y avait aussi Flower et Flow qui étaient ouais. offerts avec Journey, mm-hmm. les autres jeux du studio. Ouais, les précédents. Et la dernière chose, c'est que le jeu sera disponible en 4K. Donc, pour ceux qui ont des écrans PC 4K... Voilà, la possibilité de profiter d'un jeu de toute beauté avec un écran de toute beauté. Est-ce ouais. que tu penses qu'un jeu comme celui-là en 4K a vraiment un intérêt ? Parce que c'est, on n'est pas sur du micro-détail, on est vraiment sur une ambiance globale. Ouais, mais déjà, on a vu avec la version remake sur PS4 que... Alors, le jeu était déjà exceptionnel sur PS3, ah, oui, mais oui. son arrivée sur PS4, on avait quand même des reflets dans le sable, etc., qui étaient vraiment magnifiques. Mmh. Et alors là, je sais pas si la version sera retravaillée ou pas du tout, ou si c'est exactement la même version que sur PS4. Mais à mon avis, il y a possibilité de se prendre une petite baffe quand même esthétique en y jouant avec un bel écran dans de belles conditions. Après, généralement, en termes de 4K, les gens sont peut-être mieux équipés en téléviseur qu'en écran de PC. Ah, ça c'est certain. Donc c'est pour ça que je mettais ça un petit peu entre parenthèses à la fin. Mais en soi, même sans écran 4K, c'est un jeu qui reste magnifique. Ouais. Par contre, qui se finit très vite, mais ça fait aussi partie de son charme, à mon avis. Oh, on a 2h, 2h30 de gameplay, je pense. Oui, mais c'est quand même assez court. Quoi. Ouais, c'est très court. Il ouais. Y a moyen de se faire ça en un petit bout de soirée. Oui. Voilà, assez rapidement. Ouais. Mais pour moi, ça fait partie du charme du jeu. Bref, c'était l'occasion de vous donner envie d'y rejouer ou d'y jouer, de le découvrir, parce que pour moi, vraiment, c'est un jeu assez exceptionnel. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Toi, tu l'as fait de journée ou pas du tout ? Alors, je l'ai fait sur PS3 ouais. Et je l'ai racheté sur PS4. J'ai pas eu l'occasion de le faire sur PS4 encore. Ouais. J'y avais joué qu'en solo, même si on m'a souvent dit que l'essence du jeu vraiment se matérialise au niveau multijoueur. Moi, j'aimais autant l'expérience solo que multi. Ça a un autre charme en multi. Par contre, si vous avez la possibilité... Je vous inviterai peut-être à le tester d'abord en multi et ensuite à le faire en solo. Mmh. Parce que je pense que j'ai aussi une vraie accroche pour le mode solo parce que j'ai commencé par le découvrir en solo et je me suis pris une baffe. Et ensuite, en multi, j'ai eu l'impression de redécouvrir le jeu, mais il n'empêche que je connaissais un peu les ficelles du jeu du fait de l'avoir déjà fait en solo. Je pense que le faire pour la première fois en multi et communiquer avec quelqu'un qui le fait aussi peut-être pour la première fois... Il y a quelque chose d'hyper enthousiasmant. Quoi. Ouais, je comprends. Mais même si vous le faites pour la première fois en solo, voilà, c'est un super jeu. Incroyable. C'est clair. Et d'ailleurs, je me souviens, à l'époque, il faisait débat parce que les gens se demandaient si on pouvait qualifier Journey de jeu vidéo. Oui, ouais. C'était un peu le débat à cette sortie, c'est est-ce que Journey est véritablement un jeu vidéo ? Et je pense qu'aujourd'hui, on se pose même plus du tout la question parce que des jeux un peu contemplatifs, etc., on en a vu depuis. Ouais. Il y a eu d'autres expériences un peu dans ce style. Et je pense qu'il a initié aussi un peu quelque chose. Il a ouvert de nouvelles portes dans le monde du jeu vidéo. Donc, juste pour ça, achetez-le. Voilà, c'est sur PC, mais si vous avez une belle médiathèque proche de chez vous qui fait du prêt de jeux vidéo, empruntez-le sur PS3 ou PS4. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on passerait au coup de cœur et au coup de gueule ? Avec plaisir. Alors, Fabien... Ton coup de cœur ou ton coup de gueule du moment, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un coup de cœur, voilà. Les beaux jours. On va être sur du positif aujourd'hui. Voilà, c'est la bonté. Ouais. C'est les beaux jours sont là, il y a pas de coup de gueule possible. Donc du coup, moi c'est un coup de cœur récent. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, okay. Dont on parle depuis des années, mais il y a beaucoup de mystères autour de ce jeu-là. Et finalement, j'étais pas vraiment hypé, je le suivais, je dis je sais pas à quoi m'attendre, ça me paraît vraiment bizarre, j'étais pas vraiment chaud. C'est donc le prochain jeu de Hideo Kojima, donc le créateur de Metal Gear Solid, donc ça s'appelle Death Stranding. Un jeu bizarre, premier abord, parce qu'on se demande quelle est l'histoire, quel est le gameplay surtout, parce que le gameplay reste assez flou encore aujourd'hui. Et donc là, il y a quelques jours à peine, donc il y a eu une diffusion d'un nouveau trailer de à peu près 8-9 minutes que j'ai à nouveau regardé ce matin pour en mettre un petit peu dans le bain. Donc c'est un trailer avec beaucoup d'informations, mais également toujours diffusé au compte-goutte. comme Kojima sait le faire, ouais. Toujours un petit peu teaser sans trop en dire pour qu'on puisse imaginer des choses. Là-dessus, il est fort en fait. Il est très très fort pour ça. Moi, c'est en ça que j'adore Kojima et pourtant je suis pas un énorme joueur de ces jeux, même si j'aime ce qu'il fait, j'ai énormément de respect, mais il est incroyable parce qu'il a un tel univers, une telle patte, une telle personnalité, que juste avec son nom et deux images, le mec t'as envie de jouer à son jeu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qui est assez fou, parce que Death Stranding, comme tu disais, on en entend parler depuis quasi 2 ans, je crois. Au moins, ouais. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un jeu Kojima, que ça s'appelle Death Stranding, et que jusque-là, un des personnages du jeu serait incarné par l'acteur qui joue Daryl, je crois, dans Walking Dead. C'est ça. Et juste avec ça, et moi y compris, j'ai l'impression que tout le monde était ultra hypé, tu vois. Et c'est là que tu dis que, quand même, le jeu vidéo a passé un cap. Que vraiment, c'est devenu un art à part entière. Et que, tout comme dans le cinéma, dans la littérature ou la musique, quand un Daft Punk te balance juste une image avec leur nom, ou que un grand réalisateur t'annonce qu'il travaille sur un film, voilà, bam, les gens l'ont identifié. Et voilà, c'est un auteur. C'est un auteur. Et je pense qu'on peut même qualifier les jeux de Kojima comme du jeu vidéo d'auteur. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je les considère. Même s'ils sont grand public, il y a du cinéma d'auteur grand public. Ouais. Et je pense que c'est le cas de Kojima. Bah, surtout là, par rapport à cela, c'est vrai qu'on parle d'un jeu de Kojima et pas un jeu de l'époque Konami. Oui, c'est clair. Ou un jeu, voilà. C'est comme, par exemple, les jeux de Fumedo Ueda. Donc, Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. On dit c'est un jeu de Fumedo Ueda. Ouais. On commence à avoir quand même quelques noms comme ça qui ressortent et c'est là que tu te rends compte que c'est un média qui a gagné en maturité. À partir du moment où tu commences à avoir vraiment des auteurs, des artistes qui ressortent, dont on connaît les noms, qui évoquent quelque chose, quand on te dit Hideo Kojima, tu sais de quel jeu on parle, quand on te dit Suda 51 aussi. Voilà, encore un exemple. David Cage, pareil. David Cage, ouais. C'est aussi un auteur. Après, toutes ces personnalités, on n'aime pas, mais il n'empêche que, voilà, ils ont chacun leur univers, leur patte, etc. Effectivement, moi, comme toi, alors j'ai pas encore regardé le trailer parce que, avec Kojima, en fait, je suis toujours un peu partagé. D'un côté, je sais que les trailers, etc., font partie de l'expérience. C'est-à-dire que je pense vraiment que Kojima pense son jeu. Il y a l'avant-jeu, le jeu et l'après-jeu. Ouais. Je pense vraiment qu'il réfléchit et un peu comme ça. Et d'ailleurs, quand on le suit sur les réseaux sociaux, c'est mon cas, on voit qu'il est passionné de cinéma et de plein d'autres formes d'art et qu'il s'inspire énormément de ces univers. Dans le cinéma, c'est pareil. Il y a vraiment des auteurs qui travaillent aussi sur leur trailer pour laisser quelques informations, etc. Et finalement, ça fait aussi partie de l'œuvre. Ouais. Le marketing presque qu'il y a autour du truc. Et je pense que Kojima a complètement su utiliser ça et vraiment utilise tout ce qu'il a à disposition pour transcender ce qu'est le jeu vidéo. C'était le cas à l'époque où tu avais en gros un code derrière la boîte. Enfin bref, tous ces éléments qui... Ouais. Voilà, il essaye de sortir du simple cadre du jeu. Et ça, je trouve ça génial en fait. Mais d'un autre côté, c'est l'autre côté, c'est que je regarde pas trop les trailers, etc. Parce que des fois, j'ai envie de me garder toute la surprise de la découverte le jour où je vais lancer le jeu, tu vois. Oui, mais oui, je comprends. Donc, je suis assez partagé. D'un côté, je me dis, je pense que je rate quelque chose en ne regardant pas ce trailer. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'être un peu vierge en découvrant ce nouveau jeu. Et donc, t'es pas du tout curieux de te dire qu'est-ce qu'est ce jeu en fait ? Parce que on ne sait pas. Enfin, avant ce trailer-là, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Ça fait partie de ces créateurs de jeux en qui maintenant j'ai confiance, d'accord, tu vois. Et c'est un peu comme dans le cinéma. Il y a finalement des films que je vais voir parce que c'est réalisé par. Et finalement, j'ai tellement confiance en le réalisateur que je me dis, peu importe ce qu'il va nous proposer, je vais avoir quelque chose à mettre sous la dent. Ça veut pas forcément dire que je vais adorer, mais que c'est un véritable intérêt. Ouais. Souvent, en plus, le lien que j'ai envie de faire avec... Le parallèle que j'ai envie de faire, c'est Guillermo del Toro. Oui, et en plus, ce qui est super drôle, c'est qu'ils sont potes dans la vraie vie, quoi, et qu'ils travaillent ensemble. Oui. Et je trouve que si je devais dire que Kojima était quelque chose, pour moi, c'est le Guillermo del Toro du jeu vidéo, en fait. Surtout qu'il l'a mis dans son jeu. Ah, ça, je savais pas, par contre. Donc, petit, bon, je te l'expose, mais ouais, c'est un personnage dans le jeu, Eh Guillermo del ben, Toro. tu vois, ça m'étonne pas. On sait qu'ils sont amis dans la vraie vie, qu'ils ont envie de travailler l'un avec l'autre depuis longtemps. Ils en ont parlé en interview et de toute manière, on le sait. Et voilà, je trouve qu'il y a un super parallèle à faire entre eux. C'est des amis, hein, eux deux. Typiquement, Guillermo del Toro, il fait plein de films complètement différents. Ah bah ça, oui. Que tu regardes Pacific Rim ou Le Labyrinthe de Pan, c'est pas du tout la même chose. Crimson Peak aussi, ouais. Pareil. Et moi, ça fait partie de ces auteurs où il sort un film, je le vends au cinéma. Eh ben, c'est un peu la même chose pour Kojima. Il sort un jeu, peu importe ce qu'il propose, je vais avoir envie d'y jouer. Voilà. Donc bah, pour en revenir un petit peu sur Death Stranding, pour aller au fond du truc, au niveau de l'histoire, c'est bien sûr encore bien flou parce qu'il y a plein de personnages qui sont annoncés, on a des bribes d'informations, on comprend un peu que finalement le jeu se base beaucoup sur la temporalité, Ok. donc le passé, le présent, le futur. On voit au début du trailer une personne, la présidente des États-Unis, très âgée sur son lit presque de mort dans son bureau présidentiel, alors que bien plus tard dans le trailer, on la voit beaucoup plus jeune. Ok. Donc on imagine plein de choses, que peut-être qu'il y a des technologies qui font que le vieillissement des choses, parce qu'on voit à un moment donné dans le trailer de la végétation localisée qui flétrit, littéralement. Donc on peut imaginer qu'il y a une technologie ou quelque chose qui fait que ça, on assure un vieillissement prématuré, ou alors justement que le futur arrive d'un coup sur une zone bien précise. On voit à un moment donné qu'ils sont carrément, le personnage principal est carrément basculé dans la Première Guerre mondiale. Donc on voit comme ça des choses qui font qu'il y a des bribes d'éléments qui sont un peu disséminés, et que finalement il y a peut-être un fil directeur autour de tout ça, Mais on ne sait pas lequel. et on ne sait pas lequel. Mais le mot-clé de Kojima, alors, si je me trompe pas, c'était l'union, le fait d'unir les gens entre eux, que les gens ne devaient pas être chacun individualiste, mais devaient œuvrer ensemble pour le futur. Ok. Donc ça fait un peu une parallèle avec la vraie réalité de nous, Ouais, carrément. finalement, que il faut pas s'oublier, il faut pas être individualiste, il faut écrire l'histoire ensemble et non pas chacun de notre côté. Eh Donc c'est ben, super c'est intéressant. enthousiasmant. Ah oui, complètement. Il est fort, quand même. Très très Il est fort. fort. Pour moi, c'est un des grands du jeu vidéo. Et là, tu me donnes encore plus envie d'arriver à cette fameuse sortie et de découvrir le jeu. Surtout qu'on sait que Kojima est Il y a quand une même. date. Ah, il y a une date déjà. Il y a Et une donc, c'est pour date. quand? Le 8 novembre prochain. Ah, ouais, donc ça arrive vite Ah oui, finalement. Ça arrive vite. ouais. Eh ben, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte, j'ai hâte. Surtout qu'on sait que voilà, Kojima a des choses à raconter. Il l'a prouvé avec Metal Gear. Ouais. Et là où je suis content, c'est que autant j'aime beaucoup Metal Gear, mais se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est quand même assez enthousiasmant et je trouve que c'est assez excitant de se dire qu'il va nous faire une nouvelle proposition. Parce que au-delà de Metal Gear, il a déjà travaillé sur d'autres jeux. Ouais. Zone of the Enders. Ouais, et un super jeu sur Mega CD, Snatcher. Ah oui, j'avais oublié Avec une celui-là. ambiance de dingue, Ouais. ultra 80s et tout, hyper cool, sous forme d'enquête si je me souviens bien. Et non, non, là je suis assez enthousiaste. Bon, bah cool en tout cas. Surtout que voilà, pour préciser, pour ceux qui aiment un petit peu moins les Metal Gear Solid, beaucoup ont été déçus par le 5. Finalement, de ce que j'ai pu voir, il a quand même bien rompu les choses. C'est très différent. Il y a quand même des phases un peu d'infiltration que j'ai pu constater dans le trailer, où on se cache un peu dans les hautes herbes. Donc ça, c'est un peu similaire à du Metal Gear. Les déplacements me paraissent un peu similaires aussi. Mais tout ce qui est du reste, en fait, je ne vois, j'ai pas vu de similitude. Et Ce qui est plutôt cool, tant ouais. mieux, c'est que C'est du coup, vraiment un il se nouveau truc, ouais. détache, ouais, il se Ouais, détache bien. c'est chouette. De mon côté, on va être dans un style totalement différent pour mon coup de cœur, puisque j'ai envie de vous parler de One to Switch. Alors, avec un peu de retard, parce que c'est un jeu qui a déjà, qui date de la sortie de la Switch, donc ça a 3 ans, 2 ans. 2 ans, je dirais. Je me souviens même Ah, plus je quand est sais sortie la plus. Switch. Le Non. temps passe tellement vite. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le tester juste avant ce podcast, en fait. Au départ, c'est pas de ce jeu que je comptais parler. En fait, je comptais parler du Please Don't Touch Anything que j'ai rapidement abordé tout à l'heure. Mais One to Switch, en fait, j'y avais jamais joué parce que tous les retours que j'avais eus sur ce jeu étaient pas terribles, notamment au moment de la sortie de la Switch, où on disait, ouais, c'est une démo technique de la Switch, mais pas ambitieuse du tout, c'est même malaisant, Ouais, c'est le bébé, ça. on est un peu mal à l'aise en jouant à certains mini-jeux, etc. Ça vaut pas son prix. Bref, le jeu est pas terrible. Du coup, j'ai eu l'occasion de le tester tout à l'heure. On fait une petite animation ici à la médiathèque avec un groupe de jeunes et on s'est tous marrés. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que avant ça, on a joué à Dragon Ball Fighters, on a joué à Super Bomberman et finalement, c'est sur One Two Switch qu'on est resté le plus longtemps parce que tout le monde s'est éclaté. Et je pense que les retours qu'on a eus sur One Two Switch, c'est des retours de personnes qui ont testé le jeu dans les mauvaises conditions. One to Switch, pour moi, c'est le jeu que tu vas sortir en soirée avec des potes à la maison. Et c'est justement le fait que certains jeux soient un peu ridicules, voire malaisants, qui crée une véritable ambiance et qui fait que le jeu est chouette. L'exemple qui était un peu cité sur les réseaux sociaux, c'était ce fameux jeu où tu dois traire une vache. Ah Et oui, en il y a fait, tu es ça. là en train de traire une vache. Et du coup, on l'a testé. Effectivement, tu dis, il y a un truc un peu bizarre au fait de traire une vache et tout, à regarder ça. Mais en fait, on était tous morts de rire. Et je pense que en développant le jeu, ils avaient complètement conscience de ça. Et d'ailleurs, j'ai re-regardé les vidéos de marketing, en quelque sorte, de One Two Switch. Et en fait, toutes les vidéos de marketing de One Two Switch se passaient pour la quasi-totalité pendant des soirées entre amis. Et en fait, c'est clairement pas le jeu. Et à mon avis, je pense que beaucoup de rédactions ont testé les jeux dans leurs locaux, entre eux, ou sur des salons professionnels, etc. Ou tout seul. Ou tout seul, carrément. Et finalement, pas du tout dans les bonnes conditions. Les conditions pour ce jeu, finalement, ce qui fait le jeu, c'est pas le jeu en lui-même. Parce que le principe même du jeu, c'est de ne pas regarder l'écran. Ah oui, d'accord. C'est que les joueurs se regardent entre eux et l'écran, en fait, est presque plus un support pour les gens qui sont autour. Le jeu nous dicte ce qu'on doit faire, mais le jeu peut se séparer de l'écran. Et finalement, le jeu vidéo est prétexte à de l'amusement entre potes. Et je trouve que c'est hyper efficace. Et c'est que des petits jeux complètement débiles. Ça va être du ping-pong, mais sans table de ping-pong. Et en fait, tu te repères juste avec le bruit. Et donc, tu es là en train de faire du ping-pong, mais sans raquette et sans table. C'est ridicule, mais ça fait rire tout le monde. Et en fait, là, on était un petit groupe. On était 6 ou 8. Et tout le monde se marrait. Et il y en a deux qui jouaient. Et les autres autour s'amusaient autant que ceux qui étaient en train de jouer. Donc, clairement, c'est pas le jeu le plus révolutionnaire de tous les temps. Est-ce que ça valait le prix à sa sortie? Parce que je crois qu'il était au prix d'un jeu classique, quoi. Alors qu'à l'époque, par exemple, il était comparé à Wii Sport. Wii Sport était Ouais. fourni avec la console. Effectivement, ils auraient peut-être pu fournir One Two Switch avec la console. Il n'empêche que pour moi, c'est un jeu hyper fun, qu'on va facilement sortir en soirée pour se marrer avec ses potes. Et finalement, en soirée, généralement, on s'amuse quand un tel et un tel vont être un peu ridicules et ça fait Ouais. rire tout le monde. Et ensuite, c'est à son tour de passer pour le débile de la soirée. Bah, c'est le Eh ben, principe du jeu d'apéro, quoi. ouais, carrément. En fait, ça pourrait faire un bon jeu d'apéro. Ou de Complètement. Dijon. Voilà. Mais voilà, il y a plein de mini-jeux. Ça se joue hyper facilement. Il y a même un mode où ça te balance des mini-jeux en aléatoire et tout. Enfin, D'accord. nous, on s'est bien marré et je recommande. Alors, est-ce qu'il vaut 40 ou 50 euros? Peut-être pas. Mais si vous le trouvez dans une médiathèque ou dans un bac de solde, prenez-le. Ou en occasion, très bien. Et tout comme à l'époque, on se marrait en sortant Wii Sport pendant une soirée, eh ben là, on peut sortir One Two Switch. Et à mon avis, même One Two Switch est beaucoup plus rigolo qu'un Wii Sport. Wii Sport, à l'époque, c'était génial parce que c'était Ouais, révolutionnaire. c'est ça. Là, il n'y a pas le côté révolutionnaire. Par contre, il y a le truc hyper fun, quoi. C'est limite plus la soirée qu'on aurait passée à une époque sur Just Dance ou sur Les Lapins Crétins ou un truc dans le genre, tu Ah vois. oui. C'est plus dans cet esprit-là, complètement bon enfant. Après, est-ce qu'il y a le mini-jeu bizarre là? Il y a le truc de traire des vaches, ok. Mais j'avais vu une vidéo Ouais. où on berçait un bébé. C'était très Je les ai bizarre. pas tous testés, on en a testé pas mal. Parce que j'avais vu une Possible, pub, hein. mais c'est peut-être possible sur la version japonaise ou une version américaine. J'avais vu ça et j'ai fait, c'est quoi? C'est bizarre Non, quoi. mais il y a plein de trucs qui sont bizarres, mais à mon avis, c'est ça le charme du truc. D'accord. Il y a genre un jeu où tu dois faire semblant de manger le plus de sandwich. Et en gros, tu poses la manette devant ta bouche et avec ta bouche, tu mimes comme si tu croquais dans un sandwich. Et c'est celui qui croque le plus rapidement et donc qui mange le plus de sandwich qui a gagné. C'est un petit peu suggestif. Le concept est débile, effectivement, ça peut paraître suggestif, mais c'est très drôle en fait. Ok, ok. Parce que t'es là, t'es assis ou debout avec, j'imagine, une soirée entre amis avec un verre à la main. Et t'as tes deux potes qui sont là en train de claquer des dents devant une manette de Switch, quoi. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Et mine de rien, bah, t'es trop content quand t'as réussi à manger plus de sandwich que le copain, tu vois. Ouais. C'est hyper efficace. Vraiment, c'est ça que je retiens de ce jeu, c'est que c'est fun et efficace. Effectivement, à l'époque, ça me fait penser sur Wii au Lapin Crétin. Il y avait des mini-jeux comme ça où on jouait sur la vitesse, on devait bouger les Wiimotes et les Nunchuks. Complètement. Très très vite. C'était ridicule, parce que moi, je me souviens d'avoir filmé des soirées comme ça, c'est vraiment ridicule. Mais tout le monde était mort de rire. Ben voilà. Ou comme la première fois que tu testes de la VR et que tes copains sont autour en train de te filmer, parce que t'as l'air d'un débile avec ton casque et tes PS Move en train de bouger dans tous les sens. C'est ça. C'est toi, ça. Voilà, c'est moi. Non, bref. Alors, je dirais peut-être pas que c'est un coup de cœur, mais je pense que ça valait le coup que j'en parle pour... un peu dénoté, je trouve, des fois, des critiques un peu faciles que peut avoir la presse sur certaines choses. Et je pense que les conditions dans lesquelles on joue à un jeu sont importantes. Et maintenant, je m'en souviens là pendant que j'en parle, mais je crois que c'est Doc Gero sur YouTube qui avait fait une vidéo sur One to Switch en expliquant en quoi c'était une vraie réussite de game design, etc. Et que, effectivement... peut-être que ceux qui ont joué au jeu et qui ne l'ont pas aimé ont peut-être pas compris l'essence même de One to Switch. À mon avis, c'est ça. Voilà. Pas de choses à rajouter là-dessus ? Non, ne connaissant pas le jeu, j'ai pas eu l'occasion de tester. Bon, si un jour tu le testes, j'attendrai ton retour. Ok, bien sûr. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne avec le débat. Donc aujourd'hui, on va parler de l'e-sport. Voilà, c'est le sujet qui a été retenu. L'e-sport, on en entend de plus en plus parler. La question qu'on va se poser, c'est... bah, l'e-sport, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et donc pour ça, moi j'ai fait pas mal de petites recherches et j'ai notamment regardé une conférence qui est hyper intéressante là-dessus. Là, je me rends compte que je n'ai pas noté la référence, mais je sais où vous pourrez la retrouver si vous voulez plus d'informations. C'est une conférence qui a été donnée par un des acteurs majeurs en France de la scène e-sport qui a fait partie des premiers organisateurs de l'ESWC. Qui a créé la plateforme d'organisation de tournois en ligne qui s'appelle Tournament et qui aujourd'hui est dans différents fonds d'investissement sur l'e-sport, etc. Bref, c'est un des noms majeurs de cette scène et qui justement faisait un point sur où est-ce qu'on en est et ce que ça donnera demain. Alors moi, j'ai seulement récupéré les infos de où est-ce qu'on en est aujourd'hui sans regarder la partie sur demain, comme ça je nous réserve le plaisir d'échanger là-dessus. Et à mon avis, ça peut être hyper intéressant parce que je pense qu'on s'en est rendu compte lors des dernières discussions qu'on a eues. Moi, je suis très enthousiaste sur cette question de l'e-sport. Et toi, c'est quelque chose qui te passe à des kilomètres au-dessus de la tête, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un et de comprendre aussi pourquoi tu ne t'intéresses pas à ça. Donc, je commence par faire un petit état des lieux et ensuite on discute peut-être des perspectives, etc. Bien sûr. Mais ce que je veux aussi, c'est... ton point de vue sur l'e-sport, pourquoi ça ne t'intéresse pas ou pourquoi tu ne t'y es pas intéressé, bref, un petit peu tout ça. En gros, en quelques chiffres, en 2019, ce qu'il faut savoir, c'est que la scène e-sport, alors déjà, on va peut-être expliquer ce qu'est l'e-sport pour ceux qui ne savent pas, mais e-sport, sport électronique. En gros, c'est la scène sportive, compétitive du jeu vidéo, tout simplement. Le fait de... pratiquer du Street Fighter, du Counter-Strike de manière compétitive, c'est-à-dire affronter des joueurs dans le but éventuellement de gagner, de progresser, etc. Un peu comme dans le sport finalement. En 2019, il faut savoir que l'e-sport est trusté par 5 titres, 5 jeux vidéo qui, à eux seuls, génèrent 80% de l'audience de l'e-sport. Je vais te demander... est-ce que tu serais capable de me donner le nom de certains d'entre eux? Bon, je pense que si je dis... si je dis... alors, je vais peut-être sortir des vieux encore. Hein. League of Legends doit être dedans toujours. Ouais, complètement. Apex, j'ai un petit doute. Non. Fortnite? Fortnite, ouais. Évidemment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce qu'il y a encore du StarCraft 2 à l'intérieur? Non, mais on en parlera tout à l'heure, si tu veux. Je dirais quoi? Street Fighter V? On en parlera aussi. Ouais, donc il n'est pas dedans. En gros, on a Fortnite, League of Legends. Clairement, c'est les deux plus gros. Du moins chez nous, on Dota a 2? Dota 2, Ouais. Counter-Strike Global Offensive, Il est dedans, d'accord. ouais, et Overwatch. Ah bah oui, j'ai oublié celui-là. C'est Ok. les cinq gros jeux du moment, avec quand même les trois qui génèrent le plus, Fortnite, League of Legends et Dota 2. C'est carrément les plus gros. Mais en gros, ces cinq jeux génèrent à eux seuls 80% de l'audience de l'e-sport. Ces cinq jeux, en gros, ils sont soutenus par plus ou moins 25 jeux complémentaires qui, en gros, ces 30 jeux, c'est quasi la totalité de la scène e-sport. Dedans, on va retrouver FIFA, StarCraft que tu citais tout à l'heure, Street Fighter, Hearthstone, PUBG, Rainbow Six, Clash Royale, etc. Mais voilà, moi, c'est un peu le chiffre qui m'a fait un peu... bondir, c'est 5 jeux, 80% de Ah, l'audience. c'est violent, C'est un truc de dingue. hein. Mmh. Ce qui est intéressant sur la scène e-sport, contrairement. Ce qui est un peu particulier avec l'e-sport, c'est que déjà, c'est basé sur des jeux avec des ayants droit. Ce qui n'est pas le cas exactement du sport traditionnel. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des fédérations dans le sport, mais. Le foot n'est pas édité par quelqu'un. Et donc, c'est pas l'éditeur du foot qui organise des tournois de foot. Si tu vois ce que je veux Ah, dire. bien sûr. Il y a des fédérations, des clubs, etc. Mais c'est un peu ça la particularité de l'e-sport, c'est que, bah, à la base, il y a quand même des éditeurs qui sortent des jeux qui, à la base, sont peut-être pas forcément conçus pour de l'e-sport. Et finalement, c'est peut-être la communauté qui s'en empare. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les éditeurs ont intégré la notion d'e-sport. Et organisent même carrément eux-mêmes leurs propres compétitions. On le voit en ce moment avec la Fortnite World Cup qui fait énormément parler. Il y a aussi l'Overwatch League, la League of Legends Championship Series, le Capcom Pro Tour, etc. Mais il y a aussi les géants du sport qui intègrent aujourd'hui l'e-sport. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les acteurs traditionnels, en quelque sorte, du jeu vidéo qui s'intéressent à l'e-sport. Il y a aussi les acteurs traditionnels du sport qui s'intéressent à l'e-sport. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais par exemple, la FIFA organise aujourd'hui des tournois Ouais. de FIFA en parallèle des compétitions traditionnelles. C'est aussi le cas de la NBA, de la Formule 1. Et ça, je trouve ça assez intéressant de se rendre compte que finalement, des acteurs historiques qui organisaient des compétitions sur des sports plus traditionnels s'intéressent aujourd'hui aux versions jeux vidéo de ces sports pour organiser aussi de leur côté des tournois. Comment se compose un petit peu l'écosystème e-sport? Il faut savoir que globalement, on a à peu près 50 clubs d'e-sport qui sont e-sport natifs, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que ce sont pas des clubs traditionnels qui ont lancé des branches e-sport. C'est des clubs qui se sont montés complètement autour de l'e-sport. Parmi les plus connus, on a Vitality, par exemple. On a Fnatic, Solary et bien d'autres. Il y en a pas mal. Mais on a aussi, comme je disais tout à l'heure, les acteurs classiques qui se sont intéressés à la scène e-sport. Et du coup, des clubs comme le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone, aujourd'hui, ont des équipes d'e-sport. Le PSG est un des meilleurs exemples. Ils ouvrent vraiment des clubs d'e-sport un petit peu aux quatre coins de la planète, jusqu'en Chine même carrément, et pas forcément que sur du jeu de foot. C'est-à-dire qu'il y a une équipe PSG de League of Legends. Ah ok, d'accord. Ouais. Ok, ça je savais pas. C'est assez intéressant de constater ça. Que finalement, même des acteurs qui sont en dehors du monde du jeu vidéo, aujourd'hui s'intéressent aux jeux vidéo, ce qui donne une autre ampleur aussi à ce monde-là. Alors, je vais te poser une question qui est un petit peu étonnante, mais on va parler un petit peu de sous, parce que généralement, ça fait partie de l'écosystème. À ton avis, sur l'année qui vient de passer, est-ce que tu pourrais me donner un chiffre, en gros, de cash price, en gros, de récompenses qui ont Oui. été distribuées sur la scène e-sport? En tout? Ouais, en sur tout. Sur un an? Ouais. Oh, la question. Bon, déjà, pour toi, est-ce que ça se compterait en centaines de milliers d'euros, en millions? En millions, milliards plutôt. Ouais. En millions. Alors, millions, dizaines de millions, centaines de millions? Dizaines de millions, je pense. Eh ben, on est sur des centaines de millions. Centaines de millions. C'est-à-dire que le cash prize total de la scène e-sport a représenté 373 millions de dollars. Ok. Et ce qui va, moi, c'est ce qui m'a fait le plus halluciner pendant la conférence, c'est que ces 373 millions, ça représente plus que trois fois plus que le cash prize total qui a été distribué sur la même année dans le tennis. Ah ouais. Et le tennis, c'est pas un petit sport. Ah bah non. Non. On parle pas de bowling ou de billard, quoi. On parle de tennis. Donc aujourd'hui, il y a plus de cash prize distribué dans l'e-sport que dans le tennis. Mmh, mmh. Plus que trois fois plus. Quand même. Ça montre complètement l'impact et l'importance que ça a pris. Ouais. C'est devenu quelque chose d'énorme. Sachant qu'on sait que ça tend à grossir, notamment, ouais. Là, on a vu les sommes qui allaient être distribuées, notamment par Epic Games, pour sa World Cup. On parle de 100 millions de dollars. C'est-à-dire que 100 millions de dollars, aujourd'hui, ça représenterait à peu près un tiers déjà du total. Et là, il y a un seul acteur qui vient avec 100 millions de dollars sur la table. Enfin, c'est incroyable. Alors, qui dit club, qui dit cash prize, qui dit tournoi, dit joueur professionnel. Et là aussi, on va rester sur les sous, parce que je trouve ça hyper intéressant. Il faut savoir qu'on a déjà plus d'une centaine de joueurs professionnels qui totalisent plus d'un million de dollars de gains sur leur carrière. Et on compte plus d'un millier de joueurs qui ont gagné plus de 100 000 dollars sur leur carrière. Et ça aussi, ça montre que, tout comme dans le sport, on peut générer des chiffres qui sont très importants. L'e-sport, c'est aussi le cas. Alors, on n'arrive pas encore aux chiffres du football, etc. Mais il n'empêche que on parle quand même de centaines de joueurs qui, aujourd'hui, sont millionnaires. Ouais. C'est vraiment énorme. Puis, il y a une scalabilité. C'est-à-dire que ça ne va pas aller en diminuant, à mon avis. Oui. Mm. Oui, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on n'a peut-être pas trop évoqué ça, mais l'e-sport reste quelque chose à l'échelle de l'humanité qui est très très récent, déjà parce que le média jeu vidéo est assez récent, et en gros, les prémices de l'e-sport, ça a été les premiers tournois qui ont été organisés sur notamment Counter-Strike, ensuite sur les MOBA, etc. Mais vraiment, c'est Counter-Strike qui a démocratisé ces fameux tournois. Et on se souvient même chez nous, à l'époque, sur Game One, il y avait carrément des tournois de Counter-Strike qui étaient diffusés. On avait les fameux AAA qui affrontaient tel team, etc. Oui. Donc, c'est quelque chose qui reste assez récent. Allez, même si on disait que ça a 20 ans, là, on atteint quand même un stade qui est hyper, hyper gros, quoi. Mm-hmm. On compte plus de 200 000 organisations de tournois d'e-sport par an. Alors, ça comptabilise à la fois les gros tournois et aussi les plus petits tournois. On a par exemple des LAN et des choses comme ça. En termes de nombre d'équipes, on a plus de 50 millions d'équipes d'e-sport amateurs. Alors, ça va être comme dans le sport classique, c'est-à-dire que le club d'un petit village compte comme un club. Mais il n'empêche qu'on est quand même sur 50 millions d'équipes. C'est important. Dedans, ça va compter, j'ai n'importe quoi, une équipe, un clan de Clash Royale qui participe à des tournois, un groupe de 4 ados qui vont à une LAN pour participer aussi à un tournoi, mais aussi le roster Fortnite de Vitality ou de Solary, quoi. Vraiment, on a toutes les échelles. Donc, en gros, si on devait résumer en quelques chiffres l'e-sport aujourd'hui, c'est 50 grands tournois internationaux par an, ce qui fait en gros un grand tournoi international par semaine. Il y a presque ça dans quasi aucune ligue sportive. Mm-hmm. Presque. 100 grands clubs pro, 2500 clubs semi-pro, 200 000 tournois indépendants, 50 000 clubs amateurs, 450 000 fans d'e-sport, donc des gens qui vont soit suivre énormément de tournois sur un jeu spécifique ou un petit peu tout, suivre des équipes, etc., mais aussi des spectateurs un peu plus occasionnels. Et un chiffre à retenir, parce que ça aura un impact sur l'avenir, aujourd'hui on comptabilise 2,3 milliards de joueurs de jeux vidéo dans le monde, et donc ce sont de potentiels soit joueur sur la scène e-sport, soit spectateur de ces fameux tournois. En plus de ça, le phénomène a été dynamisé dernièrement par différents acteurs, notamment le plus connu étant Twitch, qui permet de diffuser des parties, des tournois, etc. Qui aujourd'hui a les moyens d'un géant comme Amazon qui a racheté Twitch pour donner encore plus d'envergure à la chose, et Discord qui aujourd'hui devient aussi le logiciel référence pour échanger, organiser, discuter entre joueurs, qui revendique aujourd'hui 250 millions d'utilisateurs. Donc on est quand même à un quart de milliard d'utilisateurs. Donc c'est plus quelque chose de si anodin. On a ce constat-là. Là, c'est l'état des choses en juin 2019. Maintenant, on va s'interroger sur demain. Mais avant ça, moi, j'aimerais bien avoir ton ressenti. J'aurais presque dû te demander ton ressenti avant de te donner ces chiffres, parce que si ça se trouve, ça va peut-être un petit peu changer ce que non, tu penses. Non, je pense pas, mais... Quel est déjà ton ressenti par rapport à l'e-sport? Et moi, j'aimerais bien savoir éventuellement pourquoi tu n'en regardes pas ou pourquoi tu n'en pratiques pas aussi. Ça peut être intéressant à savoir. Ouais, c'est aussi en raison de mon profil de joueur. Moi, la caractéristique principale d'un jeu que j'aime bien, c'est l'histoire. Mmh. Donc forcément, tu me mets sur un jeu compétitif, j'aime bien le faire voilà, de temps en temps, mais moi, c'est pas l'élément qui me fait vibrer dans un jeu vidéo. D'accord. Tu vois, déjà de base plutôt... Ouais, ce qui te séduit dans le jeu vidéo moi, n'est pas ce qui est mis en avant sur la scène e-sport. Moi, c'est l'histoire et l'ambiance. Moi, c'est vraiment la qualité d'écriture. Et le fait que je m'immerge dans le jeu, que ce soit par l'histoire, et ou les graphismes, et ou la bande sonore, le gameplay aussi, bien sûr, il contribue. Mais ce n'est pas l'élément que je prends. Je peux jouer à un jeu qui est dur à prendre en main, mais si tout le reste va bien, je vais kiffer. Mm. Donc du coup, moi, l'e-sport, beaucoup moins. J'ai joué un peu à des jeux multijoueurs à l'époque. Je remonte un petit peu en arrière. C'était des jeux PC, c'était des Quake 3 Arena, c'était des Unreal Tournament 99, etc. Et est-ce qu'à l'époque, ça t'arrivait de regarder soit en ligne, soit à la télé, des tournois? À l'époque, en fait, déjà, les connexions Internet étaient un petit peu limitées, donc non. Les chaînes télé qui passaient ça, c'était sur TPS, c'était des Game One, j'avais pas la satellite. Mm-hmm. Donc évidemment, c'était réduit. Par contre, j'aimais beaucoup les LAN, j'aimais beaucoup aller voir les gens jouer lors de LAN, dans nos réseaux locaux. J'aimais bien aussi participer, mais je jouais essentiellement du FPS, si je jouais aussi un peu à Warcraft 3 aussi. Ouais. En stratégie, et ça m'est déjà arrivé de jouer aussi à un autre jeu. C'était quel jeu déjà? Oh, ça ne va pas me revenir. J'avais un autre jeu que je jouais aussi comme ça en multijoueur, en type stratégie. Donc ça, c'était une période où j'aimais bien jouer en local seulement, avec des gens que je connaissais, etc., dans une même pièce. Ça, j'aimais bien cette ambiance-là. Mais je pense que ça, on pourra en parler, puisque je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus sur l'avenir de l'e-sport, justement. Mm-hmm. Mais je te laisse continuer. Et donc pour la suite, pour ce que c'est aujourd'hui l'e-sport, déjà je suis pas un fan de rester regarder des heures des parties. J'aime bien piocher, ça m'arrive d'aller sur des live Twitch pour voir un petit peu certaines personnes qui stream régulièrement, que je commence à apprécier pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils dégagent, pour ce qui etc. Donc ça m'arrive de regarder un petit peu ça, mais je pioche, je vais jouer 10 minutes, un quart d'heure. Oui, sur Twitch, c'est pas forcément de l'e-sport non plus. Non, pas forcément, effectivement. Parce que si c'est pas indiscret, qu'est-ce que tu regardes sur Twitch plutôt? Moi, ça va être vraiment des lives de jeux, mais ça peut être des jeux multijoueurs. Ok. C'est plus rare, mais ça m'arrive. Ou des jeux à challenge, vraiment des jeux difficiles, la Dark Souls, etc. Sekiro. Ouais, j'ai regardé un petit peu pour me faire un peu une idée. Mais voilà, je pioche assez peu, je regarde assez peu les gens jouer. Donc, au niveau de l'e-sport, je ne suis pas forcément un spectateur, on va dire, assidu. Je veux regarder en dit détente 5-10 minutes, un quart d'heure maximum, et puis je vais passer à autre chose, quitte à revenir peut-être plus tard si ça m'intéresse. Après, ça dépend aussi beaucoup de la typologie de jeu. Je suis complètement hermétique au MOBA. Okay. J'ai essayé d'y jouer, j'aime pas, en fait, c'est pas un style qui m'intéresse. Beaucoup. Je comprends complètement tout l'intérêt derrière, mais moi, ça me passe au-dessus. Ouais, ouais. Les FPS d'aujourd'hui me plaisent plus beaucoup. Et après, tout ce qui est Battle Royale, je suis complètement hermétique également. Mais ça, moi, je suis persuadé, parce que quand tu me parles un petit peu de ce que tu as aimé par le passé, je suis persuadé que certains Battle Royale pourraient te plaire. Il faudrait juste que, limite, quelqu'un s'installe à côté de toi et t'explique vraiment de A à Z le jeu. Parce que ce qui peut être aussi difficile pour rentrer en tant que spectateur dans cet univers-là, c'est tout simplement la connaissance du jeu. C'est-à-dire que moi, il y a encore quelques mois, quand je regardais une partie d'Overwatch, je trouvais ça inintéressant au possible. Jusqu'au jour où j'ai téléchargé Overwatch et que j'y ai joué. Mmh. Et qu'effectivement, j'ai compris toutes les spécificités du jeu, etc. Et je pense que pour le Battle Royale, c'est la même chose. Et pour les Battle Royale, en plus, ce qui est intéressant, c'est quand les gens jouent en équipe, c'est de pouvoir les écouter, communiquer les uns avec les autres. Pour moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Ah. Mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. C'est vraiment tout l'aspect stratégique et comment ils prennent les décisions ensemble. Et à regarder, on se rapproche justement de ce qu'on voyait en fait dans les LAN il y a quelques années. Et d'ailleurs, les LAN sont en train de revenir de plus en plus sur le devant de la scène. Oui, j'ai vu un peu ça. Depuis quelques années. Mm-hmm. Mais bref, je te laisse continuer. C'était pour rebondir sur ce que tu disais. Ouais. Je dis pas ça parce que moi, j'aime les Battle Royale. Mais à mon avis, les Battle Royale aujourd'hui, il y en a tellement de différents que je pense qu'on a tous moyen d'en trouver un qui va nous séduire. Après, on peut ne pas aimer, hein. Mais en comprenant vraiment tout l'univers d'un Battle Royale, comprendre voilà, pourquoi tel joueur a fait ci, quel est l'enjeu à tel moment, etc., je trouve aujourd'hui que ça fait partie des jeux les plus intéressants à regarder, en fait. Mm-hmm. Mais j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Bah, par rapport aux jeux en e-sport que je regarde assez facilement, c'est les jeux de baston. Oui. Je trouve ça assez prenant. Street Fighter, même certains des Guilty Gear, etc. Moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que du coup, ils sont commentés. Enfin, t'as aussi d'autres parties qui sont commentées. Mais je trouve que les commentateurs français, en tout cas, je basque sur ceux-là, qui commentent les parties de Street Fighter, par exemple, ils donnent vraiment de l'entrain et on est vraiment pris dans le combat. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça en faisant le constat, mais j'ai parlé des acteurs traditionnels qui s'intéressaient au monde de l'e-sport, etc. Mais j'ai pas parlé du tout de la notion de sponsoring non plus. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même des sponsors qu'on voyait dans des sports traditionnels ou dans des sports extrêmes, aujourd'hui s'intéressent aussi à la scène e-sport. Là, tu parlais par exemple de Street Fighter. On sait que Red Bull aujourd'hui organise un grand tournoi de Street Fighter qui s'appelle le Red Bull Kumite. Ah ben oui, forcément. Et ça aussi, ça montre aussi que l'e-sport aujourd'hui vraiment se démocratise. Mm-hmm. D'ailleurs, je ne sais pas si tu avais suivi la série de vidéos de Benzaï sur le Red Bull Kumite. Oui, j'ai regardé un petit peu. Hyper intéressant. Ouais, super intéressant. Ouais. Et ça aussi, je pense que des vidéos comme ça peut être une porte d'entrée pour pas mal de personnes. Mm-hmm. Moi, en tout cas, ça a été le cas pour le Versus Fighting, mm-hmm. Que j'aime bien pratiquer de temps en temps, mais que je regardais pas du tout. Et finalement, en regardant cette série de vidéos, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière. Vraiment l'entraînement que peut avoir un joueur, et pourtant ce qu'on a vu, c'est vraiment effleurer un peu la chose. Mmh. On n'est pas rentré dans tout le détail, mais en gros l'acharnement et les heures de travail des gars, ouais. Et qu'ensuite quand tu regardes la partie, tu comprends un peu mieux ce qui se passe. Mmh. Pourquoi un tel va choisir tel joueur, comment il va réagir à tel moment, et tu perçois encore plus la performance quand il y a performance. Mmh. Que quand tu connais vraiment pas du tout le jeu. Bah, c'est ça, et puis surtout l'avantage avec les jeux de versus fighting, c'est que c'est des parties relativement courtes, très vives. Ouais. Ce qui fait qu'on, entre guillemets, on s'endort pas devant la partie, c'est qu'on voit vraiment, ils sont les pros dans ce domaine-là, ça va très vite. Mm. Ça va très très vite. Et moi je me souviens, il y a des vidéos mythiques en versus fighting, notamment sur Street Fighter Third Strike, le 3. Il y avait un joueur, japonais, son pseudo c'était Daigo. Qui avait réussi à faire des coups de maître comme ça, vraiment donner des coups à la frame près. Mm. Et t'entendais vraiment la foule vraiment gueuler, genre waouh, il a placé un truc implaçable, quoi. Ouais. Et ce genre de choses, moi ça me marque bien. C'est des choses qui me plaisent. C'est pour ça. Franchement, un de ces quatre, il faudrait que ensemble on regarde un tournoi d'un autre jeu, d'un Battle Royale ou autre. Et que je t'explique un peu la richesse du truc, et tu te rendras compte en fait que tu peux avoir le même plaisir que ce que tu ressens sur un Street Fighter. Ouais, c'est possible, hein. Bah, d'ailleurs, j'ai vécu un petit peu cette expérience. On va rentrer dans le personnel, mais je trouve ça hyper intéressant. Il y a 2-3 semaines, j'étais chez des amis pour passer un week-end chez eux, et eux sont pas spécialement amateur de jeux vidéo, ils jouent pas du tout. Et le moment où je passais le week-end chez eux, le soir, il y avait les qualifs pour la Coupe du Monde de Fortnite. Et par moments, ça me démangeait un petit peu. J'avais envie de lancer Twitch sur mon smartphone pour regarder les qualifs, parce qu'il y a une équipe que je suis pas mal. Et au bout d'un moment, ils me proposent, bah, vas-y, mets ça sur la télé et on va regarder ensemble. Et les premières minutes, ils étaient un peu déstabilisés. Ils comprenaient pas trop l'intérêt de la chose. Et en fait, je leur expliquais un petit peu tout le côté stratégique, ce qui faisait la richesse de Fortnite par rapport en plus aux autres. Et en quoi telle ou telle action était hyper intéressante. Et en fait, ils ont passé la soirée à regarder le truc, puisque à la fin, ils étaient à fond et vraiment, ils ont kiffé. Ils se sont dit, mais en fait, c'est hyper stratégique, mais c'est aussi très tendu par moment, etc. Et en plus, ce qui, selon moi, fait la vraie richesse du Battle Royale, et encore plus en e-sport, c'est que pendant longtemps, j'ai par exemple pas mal regardé de scènes compétitives de Counter-Strike, etc. Et aujourd'hui, j'en regarde beaucoup moins. Parce que je trouve qu'il y a moins de tension. C'est pas totalement vrai, mais des fois, il y a moins de tension dans des compétitions de Call of Duty ou Counter-Strike que, par exemple, une compétition de Fortnite. Parce que le principe du Battle Royale, c'est tu meurs, c'est fini. Donc, comme je dis, tu meurs, tu réapparais et tu peux aller chercher des frags encore. Ouais, ouais. Moi, t'as un stress, en fait, sur Fortnite. Et en fait, t'as une tension permanente. Et c'est un peu ce que tu peux ressentir aussi dans Street Fighter. Bah, c'est-à-dire que tu vas perdre ta garde à un moment. C'est fini pour toi. C'est ça. Tu te prends le combo qui va te mettre en PLS et c'est terminé. Et franchement, j'aimerais bien un de ces quatre qu'on se regarde une phase de qualif ou carrément une Coupe du Monde Fortnite. Pas obligé de passer 3 heures, tu vois. Mais que je t'explique vraiment ce qui fait la richesse du gameplay, etc. pour que tu comprennes en quoi c'est si intéressant. Bah, si je peux rebondir un petit peu là-dessus. Ouais. À la sortie de PUBG. J'avais pas mal accroché à regarder quelques lives. Bon, pour le coup, j'avais suivi un peu des lives de Benzaï. D'accord. Et j'avais aussi d'un autre, je ne trouvais pas son nom, mais il y a un autre youtubeur où j'avais commencé à regarder, je ne le connaissais pas avant. Et j'ai eu ça en suggestion. Et j'aimais assez bien le jeu pour le côté vraiment. Il fait des. Réaliste, stratégie, positionnement et tout. Et puis moi, ça me rappelait certains FPS que j'ai pu jouer avant, donc il y avait une petite Alors note. Que tu vois, autant j'aime bien le côté stratégique d'un PUBG, mais maintenant que je joue et que je regarde Fortnite, je m'ennuie un peu quand je regarde une compète de PUBG. Parce qu'en fait, par moments, c'est très lent. Il y a des longues phases où il ne se passe pas grand-chose et il manque cette dynamique de construction et il y a des trucs, mais il faudrait que je rentre dans le détail sur vraiment à la fin les zones dans Fortnite qui se déplacent, etc., qui font que chaque micro-décision a une importance incroyable. C'est complètement fou. Oui, donc finalement, déjà entre ce que tu me disais au début et sur la fin, t'es pas complètement... totalement éloigné de l'e-sport. C'est-à-dire que ça t'arrive de regarder des compètes de versus fighting, ça t'est arrivé de regarder du PUBG, etc. Ouais. Donc t'es pas non plus complètement éloigné de ça. C'est pas forcément les jeux auxquels tu joues. Non. Mais tu peux prendre plaisir à regarder. Ouais, j'y joue pas, mais je vais regarder, mais comme je te disais tout à l'heure. Ouais, en picorant, quoi. Je picore, mais c'est vraiment des fois, je peux rester juste 5 minutes. Ouais. Je tombe dessus, je fais ok, cool, je regarde un petit peu et je décroche rapidement. Et chose qui pourrait m'intéresser, c'est si, pour une raison X ou Y, une grosse compétition, enfin même une compétition de taille moyenne ou une LAN était organisée proche de chez toi, est-ce que ça t'intéresserait d'aller voir par contre ? Bah, dit comme ça, pas forcément. Ah ouais ? Non. Bah, alors, ça m'étonne parce que tout à l'heure tu disais que justement les LAN te manquaient un peu. Ah, en LAN ? Bah oui. Ouais, faudrait voir si le jeu m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, presque à chaque fois qu'on parle de LAN, il y a un côté e-sport dedans. C'est-à-dire que oui. Les LAN les plus connues en France, ça va être la DreamHack, la Lyon e-sport, etc. C'est des LAN e-sportives pour la plupart. Il y a celle aussi près de Poitiers, là. Tours, ouais, Poitiers. Bah, c'est pas la DreamHack à Tours ? Ah, je sais pas. Je crois que c'est ça. Hein. Okay. Ça vaudrait le coup de vérifier. Là, je sais pas si j'ai une connexion internet, mais de mémoire, je crois que la DreamHack c'est à Tours. Vous me corrigerez éventuellement en commentaire ou plus tard si je me suis trompé, mais je crois que c'est ça. Okay. Mais ouais, c'est une grosse compète. Et on les voit fleurir un petit peu partout. Et en plus de ça, la nouvelle chose qui rentre en compte, et il y en a de plus en plus, c'est les gens qui organisent des tournois en ligne. Ça se fait de plus en plus, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez frais. Tu nous as donné un petit peu ton ressenti, moi je vais un petit peu donner le mien. Parce qu'il y a encore quelques années, j'étais un petit peu dans ta position. Et finalement, je me rends compte que la transition s'est faite légèrement vers... Aujourd'hui, j'en regarde pas mal, finalement. Alors, ça va souvent être sur les mêmes jeux. Quoique, des fois, j'essaie de m'ouvrir à de nouvelles choses. Mais effectivement, à une époque, j'en regardais pas du tout. Ça m'est arrivé quelquefois sur Game One de regarder des tournois de Counter-Strike, etc. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à côté. Et je faisais rarement la démarche de me dire « Bon, ben voilà, il y a ça, je vais regarder. » Et finalement, depuis 2-3 ans, je trouve qu'il y a pas mal de petites choses qui émergent, des grandes compétitions qui font pas mal parler. Ça va être sur des FPS, des Battle Royale, des jeux de stratégie, des jeux de cartes aussi. Il y a du Hearthstone, etc. Du jeu mobile. Clash Royale aussi, à un moment, avait, et je crois que c'est toujours le cas, World Cup de Clash Royale, etc. Enfin, hyper intéressant. Et en fait, je suis petit à petit tombé dedans, d'abord en regardant plutôt des replays sur YouTube, etc. Et maintenant, je me suis un peu pris au jeu en suivant des tournois sur Twitch. Parce que je trouve qu'il y a une effervescence qui est hyper enthousiasmante. Alors le mieux, c'est sur des jeux qu'on apprécie. Donc moi, par exemple, je regarde aujourd'hui beaucoup de Fortnite. Mais ça m'arrive de regarder des tournois de Overwatch, Hearthstone, c'est un petit peu le cas de temps en temps, un peu de Counter-Strike. Les MOBA un peu moins, mais tout simplement parce que j'y joue pas, et donc si je regardais, je ne comprendrais pas. Donc il faudrait que j'essaye les jeux pour apprécier, mais je suis persuadé que c'est des choses qui pourraient me plaire, tu vois. Et en fait, plus le temps passe, plus je regarde. Mais effectivement, comme tu disais tout à l'heure, à mon avis, le cœur de la chose, c'est aussi la présentation. C'est-à-dire que juste avoir un match, mais sans avoir des personnes qui commentent par-dessus et qui vont t'expliquer ce qui se passe. Un peu comme quand tu regardes un... C'est pas mon cas, mais je sais que les gens qui regardent le foot apprécient aussi les commentaires parce que le présentateur ou le commentateur, lui, connaît parfaitement bien le jeu, les équipes. Il va dire, tel joueur, il vient de tel endroit. Lui, sa force, c'est l'attaque, la défense, ceci, cela. Là, c'est un beau geste parce que il a réussi à prendre le dessus de telle ou telle manière. Et c'est ça qui fait la richesse. C'est que finalement, on t'explique en quoi ce que tu vois est exceptionnel au final. Et en plus de ça, donner de la vie en gueulant quand il y a un but, par exemple, pour du foot ou... un kill dans un jeu ou une action incroyable dans Street Fighter, quoi. Et ça, pour moi, c'est le cœur du truc. Et je trouve que dernièrement, sur Twitch, il y a pas mal de structures qui se sont montées et qui font un travail assez exceptionnel. Notamment, moi, je trouve que ceux qui sortent du lot, là, en ce moment, avec la Fortnite World Cup, c'est la structure Solary. Je sais pas si tu connais ou peut-être de nom. De nom. En gros, Solary, c'est une structure qui est assez récente dans... En gros, c'est une web TV, mais c'est aussi une structure e-sportive. Ouais. Notamment, si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais sur Fortnite, League of Legends, dernièrement Hearthstone et maintenant Super Smash Bros. Et donc, en gros, ils ont des e-sportives, des équipes qui sont coachées, etc., qui ont leur propre coach. Et en plus de ça, ils font web TV. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que déjà, ça a été créé par des gens issus du milieu du streaming. Donc, c'est pas des gens extérieurs qui investissent, qui ouvrent un truc qu'ils connaissent pas. Donc là, en gros, c'est des anciens de... j'ai pas envie de dire de bêtises, parce qu'à l'époque, je suivais pas du tout. Je me demande si c'est pas Eclipsia ou quelque chose comme ça, qui ont quitté, en gros, une structure existante pour monter la leur qui s'appelle Solary. Et en fait, ils ont les deux casquettes. Ils sont à la fois diffuseurs et compétiteurs. Et moi, j'adore suivre en ce moment, par exemple, les qualifications pour la Coupe du Monde de Fortnite. Parce qu'en gros, tu vas suivre les 4 joueurs qui jouent, donc en solo, duo, alors pour le moment, il n'y a pas de squad, mais en solo et duo. Et tu as 2 commentateurs qui vont t'expliquer ce qui se passe à l'écran. Alors, toi, tu comprends déjà, mais en plus de ça, eux vont peut-être vraiment ont un niveau d'expertise encore plus poussé, donc repérer des petits détails, des petites choses, t'expliquer pourquoi telle action est incroyable. Et en fait, ça donne tout son sens à ce qui se passe. Et là, je vais commencer à aborder la question de l'avenir du jeu de l'e-sport parce que, à mon avis, ça va passer aussi par ça. Non ? Oui, je pense. Ouais. Je pensais à une question en fait que je voulais te poser. Vas-y, pose-moi ta question. Je la pose maintenant ou plus tard ? Vas-y. En fait, et j'ai quand même pris quelques notes, mais vas-y. Ok. Alors, en fait, c'est surtout, c'est un peu personnel pour toi, mais on peut vraiment le dupliquer à n'importe quelle personne qui suit un peu l'e-sport. on est des joueurs au départ. Ouais. Donc, tu t'organises dans ta semaine, dans tes mois, une période de jeu où tu vas jouer. Ouais. Et donc, depuis que tu suis des streams ou tu suis des lives, tu vas du coup couper dans ton temps de jeu pour faire plutôt visionner plutôt des parties. Est-ce que quelle est l'importance par rapport à ton temps de jeu global du fait de visionner? C'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante. Finalement, en fait, c'est pas quelque chose que je calcule. Okay. En fait, moi, ce qui m'attire pas mal dans l'e-sport, c'est les événements. C'est le côté événementiel. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une Coupe du Monde pour Fortnite. Il y a un truc hyper intéressant. Donc, finalement, quand il y a une Coupe du Monde, je vais arrêter de jouer et je vais regarder la Coupe du Monde. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu le même syndrome pour les gens qui regardent du sport de manière classique. Okay. Les gens, quand ils regardent un match de foot, ils se disent pas, je sacrifie du temps de football pour regarder un match de foot. Ils se disent, là, il y a tel grand tournoi, il y a telle équipe que je kiffe, je vais regarder tout simplement. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent du foot qui n'en font pas. Oui, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas et qui regardent ? Je pense que dans l'e-sport, il y a un peu la même chose. Ah ouais. Alors, je pense que pour comprendre toute la subtilité, c'est mieux de pratiquer. Mais tout comme dans le sport, je suis persuadé que quelqu'un qui pratique en club du foot va plus apprécier un match de foot à l'écran que quelqu'un qui seulement regarde. Mmh. Parce qu'il va encore plus se rendre compte de la prouesse qui est faite, va capter des subtilités dans la stratégie de jeu, etc., que la personne moyenne va juste voir, ah, t'as vu, il a fait telle passe, et ensuite l'autre, il a marqué, c'est dingue, tu vois. Mm-hmm. L'autre va comprendre que, il a réussi à casser la défense avec, en le fatiguant, ouais. J'y connais rien, oui, hein, oui. J'y connais rien en foot, mais en gros, c'est ça. Après, effectivement, je pense que la première porte d'entrée de l'e-sport, c'est déjà de pratiquer soi-même le jeu. Finalement, les jeux que je regarde, ou du moins la plupart, c'est des jeux que je pratique. Après, c'est pas forcément des jeux que je pratique énormément. Mais le fait de pratiquer, je vois à quel point les joueurs sont exceptionnels. Et à mon avis, c'est en ça aussi que, là c'est purement personnel, mais je considère que l'e-sport doit être mis au même niveau que le sport, parce que finalement, c'est la même chose. Ça fait travailler les mêmes mécaniques, un sens de la stratégie, de l'entraînement, cohésion de groupe, etc. Exactement comme dans le sport. La performance, on oublie de le préciser, mais il y a une véritable performance dans l'e-sport. Alors, c'est pas forcément physique, quoique, je me souviens à l'époque d'avoir vu un reportage sur un champion de Dance Dance Revolution. Je pense que j'étais incapable de faire ce qu'il faisait. Mais la performance n'est pas que physique. Parce que sinon, dans ce cas-là, quand on voit du tir à l'arc ou du tir à la carabine aux Jeux Olympiques, la performance n'est pas physique. Mais c'est une performance aussi mentale, etc. Ouais. Et dans le jeu vidéo, ça va être la même chose. Pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que finalement, quand on regarde une compétition e-sportive, c'est exactement comme quand on regarde du sport à la télé. C'est, on regarde plus ou moins des gens qui font ce qu'on fait, mais en mieux. En gros, c'est ça. Et c'est le plaisir de regarder des gens qui ont des capacités exceptionnelles dans ce domaine. Mmh. Après, pour l'avenir, moi, je m'étais noté quelque chose, quelques petites choses. Je voyais l'avenir déjà sous plusieurs axes, notamment l'expérience e-sport, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit l'e-sport et les jeux. C'est-à-dire que déjà, on a vu une évolution dans la création des jeux. L'explosion de l'e-sport a fait qu'on voit aussi plus de jeux qui sont conçus pour s'adapter à l'e-sport. Mmh. C'est le cas d'Overwatch, par exemple. C'est un jeu qui typiquement a été conçu pour faciliter la possibilité d'organiser des tournois, etc. Ça s'y prête très bien. Et pourtant, Blizzard, qui jusque-là était plutôt sur des jeux où on construit des univers, etc., là est plutôt sur un jeu, même s'il y a un véritable univers à Overwatch, ils construisent une histoire à chaque personnage, etc., c'est quand même un jeu qui se veut être assez compétitif, tout comme Overwatch, tout comme Hearthstone. Ouais. Avec la possibilité d'organiser des tournois, etc. Et je pense qu'on va voir de plus en plus, et on en revient à ce qu'on disait sur le débat sur quel avenir pour Fortnite, ou même un petit peu sur quel avenir pour le jeu vidéo, le fait qu'on va tendre de plus en plus vers peut-être un peu moins de jeux à histoire et de plus en plus de jeux qui sont un peu sans fin, comme des Counter-Strike, des Hearthstone, en gros, des jeux sur lesquels on va passer 3, 4, 5 ans, et qu'on va en plus faire vivre en organisant des tournois à côté, etc. Je pense que ça, c'est la première chose. Mais pour ça, il y a des choses à améliorer, à mon avis. Moi, ce que je regrette, par exemple, sur la scène e-sport, et c'est un peu le cas aussi dans le sport traditionnel, c'est que moi, je trouve que les femmes sont assez peu mises en avant. Et ça doit passer aussi par des jeux qui, déjà dans le message, indiquent qu'ils s'adressent à tout le monde. Parce que mine de rien, très souvent, par exemple sur la scène e-sport, on a beaucoup de jeux de guerre quand même, Counter-Strike, Fortnite, PUBG, etc. Et c'est des jeux qui très souvent sont marketés comme des produits pour les hommes, quoi. Enfin, je Ouais, trouve. oui, c'est ça. Et d'ailleurs, dans les compétitions, moi ce que je regrette, c'est que. Alors, c'est pas le cas sur tous, mais il y a à la fois des compétitions masculines et féminines. Alors qu'en soi, dans un jeu vidéo, être un homme ou une femme, ça change absolument rien, quoi. Et je comprends pas qu'on n'ait pas plus de compétitions mixtes, par Bah, exemple. je pense qu'il y a plein de joueuses en fait qui veulent justement montrer qu'elles sont là et donc font un peu force en étant une équipe de filles. J'ai cette impression-là en fait. J'ai vu C'est pas quelques bête ce que tu dis, ça émissions. peut être peut-être une première étape, c'est-à-dire que pour Oui. le moment, commencer à organiser des compétitions féminines pour montrer que effectivement il y a une scène féminine, on est là, pour finalement aboutir à du mixte, c'est ça que tu veux Je dire? pense que c'est un peu la suite logique, ouais. Ouais. Effectivement, c'est pas bête, mais moi je trouve dommage qu'on soit obligé de passer par là, ça devrait être une évidence, Ça devrait. mais effectivement, ça peut passer par là. L'autre chose qui est à prendre en compte avec l'e-sport, et c'est exactement comme dans le sport, c'est que l'e-sport se pratique à tout âge, tout comme le sport se pratique à tout âge. Et que pour le moment, sur la scène e-sport, on a quand même beaucoup de jeux qui se prédestinent quand même plutôt à des publics plus matures. Effectivement, pour des choses qui vont être plus abordables, on va avoir du Clash Royale, etc. Mais je suis assez étonné qu'il n'y ait pas plus de jeux pour les plus jeunes. Pourtant, Fortnite, se destine à un public très très large. C'est vrai que. En fait, j'ai l'impression que Fortnite est en train de marquer un point de bascule sur cette scène e-sport, en fait. Ok. C'est à la fois un avantage et un défaut, hein. Parce que le problème de Fortnite, c'est que Epic Games essaye de créer toute une scène compétitive autour de Fortnite, tout en conservant un très très large public. Ce qui est très compliqué parce que comment est-ce que tu veux un jeu qui soit exigeant? Parce que qui dit jeu compétitif, il faut que le jeu soit exigeant. Ouais. Parce que c'est le micro-détail qui va faire la différence. Sans perdre le très grand public. Et c'est un peu ce que je reprochais au jeu il y a quelques temps dans un des AFK, c'était que finalement Epic Games fait énormément de choix plutôt pour le grand public que pour les joueurs pros, ce qui est compréhensible. Parce que les très bons joueurs sont une minorité. Ah oui. Et finalement, ils font des mises à jour qui vont satisfaire 90% des moins bons joueurs et mettre à l'écart les 10%. Mais d'un autre côté, ils organisent des Coupes du Monde, etc. Mais ce qui est très dur pour les bons joueurs, parce que déjà, il y a des mises à jour toutes les semaines. Et donc, maîtriser un jeu à la perfection alors qu'il est mis à jour toutes les semaines, c'est impossible. Mais est-ce que ça fait pas aussi partie du plaisir? C'est-à-dire que finalement, la compétition, elle se transforme de semaine en semaine parce que bah, y a une nouvelle arme, un nouveau Ouais, truc et ça demande de se renouveler et de voilà, s'adapter. tu restes pas en zone de confort, quoi, c'est Ouais. ça. C'est bien aussi. Mais d'un autre côté, ce qui fait le charme, par exemple, d'un Street Fighter, c'est que le gars, il va maîtriser à la perfection son personnage jusqu'au point de laisser aucune place à l'aléatoire. Ouais. Même si, bon, il y a quand même eu des mises à jour sur les derniers jeux de combat, Street 4 ou Street 5, d'ajustement, Oui. ça arrive. Et là, souvent, ça râle. Mais c'est pas aussi brutal que dans un Fortnite. C'est-à-dire que dans Ouais. Fortnite, par exemple, le dernier truc, c'est tout le monde jouait au minimum avec un pompe. Et là, ils ont viré le pompe le plus utilisé pour remettre une espèce de nouveau pompe qui permet de tirer à distance, tu Un pompe à distance, vois. ok. Ouais, c'est assez étonnant. Et du coup, mais tous les joueurs pro ont pété des câbles parce que t'avais plus ce fameux pompe qui te permettait de one-shot quelqu'un au corps à corps. Et donc, ça te redéfinit tout ton gameplay. T'es obligé D'accord. de repenser bah, quel stuff t'as sur toi. Enfin, ça redéfinit tout, quoi. Ouais. Moi, ce que je me dis dans les évolutions de l'e-sport, c'est que aujourd'hui, l'e-sport est pas aussi mature que le sport traditionnel, ce qui est normal parce qu'il n'a pas autant d'âge, et que finalement, il faut penser l'e-sport un petit peu comme on pense le sport traditionnel. Et à mon avis, ce qui va se passer à l'avenir, c'est que bah, tout comme on peut avoir des clubs locaux de sport, on va commencer à avoir des bah, clubs locaux d'e-sport, c'est-à-dire que tu auras le club de Quimper, de Toulouse, de ceci, de cela, de tel jeu, et on aura des rencontres départementales, nationales qui seront organisées. Mais la vraie difficulté, et là j'ai lu un papier là-dessus qui était hyper intéressant, c'était un article que j'ai lu sur, je crois que c'était une revue anglaise, qui expliquait qu'aujourd'hui la vraie difficulté de l'e-sport c'était de trouver des espaces d'organisation de tournois e-sport. Parce que pour le sport, on a des lieux qui sont pensés pour, on a des stades, bah oui. On a des salles, on a tout ce qu'il faut, mais c'est pas le cas pour l'e-sport. Et aujourd'hui pour l'e-sport, l'organisation d'un tournoi est très coûteuse parce que tu dois t'adapter à des lieux qui ne sont pas pensés pour. Et il paraîtrait qu'aux États-Unis, il commence à y avoir des projets de lieux, des espèces de stades e-sport qui vont commencer à se créer pour accueillir des compétitions e-sportives. Et à mon avis, ça fait partie des directions à prendre. C'est-à-dire, dans un premier temps, faire évoluer les jeux pour faciliter la pratique de l'e-sport, parce qu'il n'empêche qu'il y a quand même encore aujourd'hui des difficultés. Je pensais à ça l'autre jour en regardant une compétition de Fortnite. C'est que la compétition est organisée donc en ligne. Qu'est-ce qui te dit que c'est tel joueur qui est derrière tel pseudo? Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que qui te dit qu'il n'y a pas de triche et que un tel est déjà qualifié et donc il va prendre la place de son pote pour le qualifier aussi. Ouais. Alors qu'il est meilleur. Et tu vois, aujourd'hui, on n'a pas de système qui permet d'identifier quel joueur est derrière le jeu. Je comprends. Donc, il y a une évolution à faire du côté des jeux, une évolution à faire du côté des infrastructures pour organiser des trucs, mais aussi dans l'organisation même de manière générale de l'e-sport avec des clubs locaux, des tournois à différentes échelles, communales, départementales, régionales, nationales, internationales. Enfin, je pense vraiment que petit à petit, on va tendre vers ça. Ça commence à rentrer dans les mœurs. On voit qu'il y a des choses qui commencent à s'organiser. Là, par exemple, on est dans une médiathèque. Il y a des médiathèques qui se sont rassemblées pour organiser un tournoi qui s'appelle LOL en Bib. Donc LOL en bibliothèque, et donc tu as différentes médiathèques, bibliothèques qui montent des équipes de League of Legends pour organiser un tournoi national entre les médiathèques, par exemple. Bref, il y a plein de choses qui existent, et à mon avis, c'est un petit peu vers ça qu'on tend. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible, ou que ça semble quand même compliqué d'aller dans cette direction? Non, pour moi, en fait, c'est une suite logique. Pour l'instant, l'e-sport, on est vraiment encore au balbutiement, et déjà, on peut voir l'impact que ça a aujourd'hui. En peu d'années, imagine, tu remontes simplement ne serait-ce que 4-5 ans en arrière, et aujourd'hui, donc on voit qu'il y a une. Enfin, ça grimpe. Ouais, c'est clair. Et en termes d'intérêt, et en termes de moyens, et quand tu me parlais des cash prizes qui deviennent hallucinants, c'est clair. Les sponsors, les équipes, ça touche tout le monde dans tous les pays. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a quelques années, on pouvait se dire les meilleurs, c'était des Coréens, c'était des Japonais, parce que eux étaient déjà un peu en avance à mon avis, sur le marché. Surtout les Coréens, et donc ils ont aussi des infrastructures, ils ont des lieux pour accueillir des tournois de ce type. Donc évidemment, il y a tout à faire ici. Enfin, il y a déjà une partie qui a été faite, et on sent que on va vraiment aller encore plus loin là-dessus. Tant qu'il y aura du public. Suivre derrière, tant qu'il y aura des joueurs, etc., je vois pas en quoi ça va tomber. Ouais, c'est clair. Donc là, aujourd'hui, on en parle. Dans 5 ans, ce sera certainement beaucoup plus gros. Si la FCAST existe encore, peut-être qu'on fera 5 ans plus tard. Ouais, dans 5 ans, j'aurai 40 ans. Sérieux ? Ouais, je viens d'avoir 35. Donc, Oh là là, le temps passe tellement vite. Donc je pense que dans 5 ans, je serai peut-être encore un petit peu moins dans... Ou peut-être pas. Hein, Mais qui sait, tu te seras peut-être pris d'affection pour un jeu et que tu suivras comme ça. Après, ce qui risque d'être un peu compliqué sur l'e-sport, contrairement au sport traditionnel, c'est que finalement, l'e-sport évolue en permanence dans le sens où les jeux changent. Là où... Là, je pensais par exemple au football, on se dit pas, le football a une durée de vie de 3 ans, et après, tout le monde passe à un autre sport. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Là, on sait qu'un jeu vidéo, de manière générale, ça a une durée de vie. Alors, il y aura toujours le contre-exemple, c'est-à-dire que Counter-Strike, finalement, ça fait 20 ans, et ça continue de version en version, il y a toujours des nouvelles versions, mais par exemple, un jeu comme Hearthstone, est-ce que ça va durer? On sait déjà que c'est un jeu qui commence à redescendre. Oui. Est-ce que Overwatch sera encore là dans plusieurs années, ou est-ce qu'il y aura un Overwatch 2? C'est des questions qu'on peut se poser, quoi. Ouais. Et finalement, organiser une scène e-sport en se calquant complètement sur le sport traditionnel, c'est compliqué parce que je dis n'importe quoi, tu crées aujourd'hui un club e-sport Overwatch, bah, si ça se trouve dans 2 ans il disparaît parce que le jeu sera mort en fait. C'est ça. Là où un club de foot, dans 2 ans le foot ne sera pas mort. Mmh. C'est en ça que c'est un petit peu différent, c'est que en fait c'est une pratique qui est liée à un média culturel. Et c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique quand même, l'e-sport. C'est difficilement comparable à autre chose. C'est ça, quelque chose de nouveau, en fait. C'est une discipline qui a de multiples branches, et chaque branche, c'est un jeu. Un peu de choses près. En quelque sorte, c'est ça. Ou un style de jeu. Oui, c'est dans chaque branche, il y a des jeux. C'est-à-dire que t'as l'e-sport, t'as la sous-branche e-sport, FPS, MOBA, ceci, cela, et en dessous, t'as différentes branches. Alors que l'e-sport, t'as... le sport classique, tu vas te dire, je dis n'importe quoi, t'as les sports individuels, les sports collectifs, et ensuite t'as directement tes sports, le foot, le machin, le truc. Ça. C'est clair que ça, c'est différent. Autre chose que je disais dans ce fameux papier, c'était les évolutions aussi des équipements. Et quand je pense aux équipements, c'est un peu comme dans le sport, on sait que par exemple dans la natation, les maillots ont évolué dans le temps, on travaille sur des nouveaux matériaux, etc. Et c'est aussi le cas, nous, dans le jeu vidéo, on sait déjà que les machines évoluent, qu'on a de plus en plus d'acteurs, d'ailleurs, qui se positionnent sur le marché de, des PC gaming pour l'e-sport. On va avoir Logitech, Razer, MSI, etc., qui essayent de se positionner là-dedans. Mais il n'empêche que ce que disait ce fameux article, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de technologies qui sont assez datées, et qui pourrait évoluer pour des pratiques qui soient plus agréables. Et l'exemple qu'il citait dans ce fameux papier, c'était la souris et le clavier, qui finalement existent depuis des dizaines d'années. Et en gros, l'auteur s'interrogeait sur la pertinence aujourd'hui dans l'e-sport d'utiliser encore un clavier. Parce que de base, le clavier n'est pas optimisé pour du gaming à haut niveau. On est parti d'une technologie qui était existante, qui sert à taper, et qu'on a plus ou moins adapté avec des touches qui ressortent, des claviers mécaniques, ceci, cela. Ouais. Mais il n'empêche qu'à la base, c'est pas pensé pour l'e-sport. Mmh. Et en fait, travailler sur une espèce de clavier qui serait uniquement dédié, par exemple, à l'e-sport, on n'aurait pas la moitié des touches qui servent à rien, etc. C'est vrai que j'ai trouvé ça hyper pertinent. Le gars s'interrogeait sur... est-ce que demain, on n'utilisera pas autre chose pour pratiquer du sport, de l'e-sport à haut niveau, quoi. Est-ce qu'on sera toujours avec un clavier ou une souris, ou est-ce qu'on ne sera pas sur de la réalité virtuelle avec de la détection de mouvement, ou est-ce qu'on n'aura pas, je sais pas, une espèce de boule sous la main avec vraiment les touches optimisées, enfin, qu'on soit sur autre chose qu'un clavier, une souris ou une manette, enfin, peu importe. Mmh. Est-ce que l'évolution ne va pas aussi passer par ça, quoi ? Moi, je pense quand même, parce que la tendance quand même au minimalisme sur plein de choses, vraiment essayer de faire en sorte d'avoir le moins de matériel encombrant possible. Donc évidemment le clavier c'est historique, on peut imaginer que plus tard les ordinateurs n'aient plus de clavier, ça commence déjà avec les tablettes, les phablettes, etc. Ouais, carrément. Donc imaginons peut-être qu'on ait une interface qui soit directement intégrée à... je sais pas, mais après faut faire en sorte que ce soit en gameplay intéressant aussi, facile pour eux. Mais c'est sûr que le clavier, il y aura certainement d'autres usages, d'autres solutions qui vont sortir. C'est sûr. Et je me suis dit que cette réflexion était hyper pertinente en regardant une compétition e-sport. Et en fait, au bout d'un moment, le caméraman sur une LAN filmait en fait les mains des joueurs. Et en fait, tu voyais que les mecs tenaient tous leur clavier dans une position différente parce que c'est pas pratique. Parce que pour le jeu, souvent, t'as besoin de beaucoup d'espace pour ta souris, pour avoir une précision vraiment optimale. Généralement, les gens utilisent des sensibilités qui sont très basses pour pouvoir être hyper précis. Et du coup, ils ont besoin de beaucoup de place pour leur main gauche. Et des fois, ils mettent leur clavier presque à la verticale pour pas que ça gêne la souris. Mmh. Et là, clairement, tu te rends compte que le clavier doit être repensé dans l'e-sport. Quoi. Mmh. Qu'aujourd'hui, c'est gênant et que finalement, tout le monde utilise la zone gauche avec... Z, Q, S, D, les touches qui sont autour, mais que finalement toute la partie droite avec la touche entrée, le clavier numérique, etc., ça on peut s'en séparer en fait. Et qu'en fait, il faudrait éventuellement presque un périphérique avec des touches optimisées pour... Ou un clavier modulable. Ouais, carrément. Qu'on rajoute. Mais à mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, quoi. Mais ils ont déjà pensé à faire des trucs dans le genre, tu sais, les claviers mous, ce genre de choses qui permettraient de... Il y a des choses qui, à mon avis, qui sont... Mais je suis pas sûr que ce soit pensé purement pour cette pratique, en fait. C'est pensé à la base pour autre chose, et ensuite, on récupère à droite, à gauche. Ouais. Alors, on commence à voir des manettes plus orientées e-sport, avec un autre confort, ceci, cela, des claviers qui sont adaptés, des souris aussi avec plus de boutons, avec des molettes qui vont réagir différemment, avec possibilité de régler les DPI pour pouvoir... Ouais. Mais il n'empêche que, à mon avis, ça demanderait presque de réinventer de nouvelles choses. Alors, la souris, peut-être oui, peut-être non, mais notamment le clavier, c'est clair qu'en lisant ça, moi, j'ai fait tilt et j'ai repensé à tous ces joueurs qui mettaient leur clavier dans des positions bizarres parce que ça les gênait et que finalement, c'est pas hyper pratique. Et même moi, quand j'y pense, à chaque fois, je suis obligé de me poser la question, quelle touche je vais attribuer pour telle chose, etc. Se souvenir, après. Ouais, bah après, de toute manière, à ce niveau-là, les gens ont des habitudes, t'as même plus besoin de regarder, tu sais où tu cliques, etc. Mais il n'empêche que c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça me fait penser, quand je jouais sur PC il y a de nombreuses années, on utilisait, tu prends un FPS, les premiers FPS des années 90, début 2000, on avait les deux mains sur le clavier, parce qu'il n'y avait pas à l'époque... La visée à la souris, donc on avait la main droite sur les touches directionnelles et la main gauche éventuellement sur la barre d'espacement et contrôle pour tirer et sauter. Donc là évidemment on avait le double usage de clavier classique à peu près optimal, mais même aujourd'hui ça, c'est pas optimal parce que t'as quand même plein de touches qui servent à rien, et donc t'as le risque de cliquer sur la mauvaise touche, etc. C'est possible, c'est à mon avis, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je pense que certains y réfléchissent déjà, c'est sûr. Parce que on voit dans le sport classique, les raquettes de tennis évoluent, les crampons de foot évoluent, tout évolue pour gagner toujours plus en performance, optimiser le résultat, etc. Et ça va arriver dans l'e-sport. Surtout que, on a vu tout à l'heure que c'est un marché économiquement qui grossit énormément. Et du coup, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Est-ce que tu as peut-être des petites choses ou des questions sur l'e-sport, ou tu penses qu'on a à peu près fait le tour ? Est-ce que, si je te dis l'e-sport demain, à quoi est-ce que tu penses ? Ah, la question très large, quoi. Ouais. L'e-sport demain, ça vient un peu de ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va continuer à mon avis à grossir. Moi, je pense surtout au niveau des jeux qu'il y aura des modifications. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs styles de jeux. On a parlé tout à l'heure du MOBA, du FPS, du Battle Royale, etc. Et je pense qu'on va commencer à avoir des jeux qui vont mixer plusieurs types de gameplay. Ok. Moi, je vois plus ça comme ça. Des nouveaux styles peut-être de jeux émergés aussi Peut-être des nouveaux styles, mais il y a aussi des solutions hybrides. Parce qu'aujourd'hui, tu vois bien... Un peu comme on ferait dans le sport un triathlon. Ouais. Ouais. On aurait des jeux qui mélangeraient presque trois disciplines, tu veux dire ? Ouais, je verrais bien ce genre de choses. Mais on voit aussi, surtout, aujourd'hui, c'est beaucoup de défrichage, parce qu'on peut voir le Battle Royale, c'est récent, et on voit tous les développeurs qui s'engouffrent là-dedans. Ouais. Il y a énormément de propositions en termes de jeux, et le genre est assez récent, finalement. Donc, moi, je pense que cette base-là, c'est un peu un brouillon, et que ça mixé ensuite avec ce qui a fait déjà des preuves de l'e-sport, dans d'autres domaines, et clac, ils vont trouver une solution de gameplay qui va faire que les deux vont être un peu altérés, mais pour faire un genre qui combine les meilleurs des deux. En fait, on en revient à Fortnite, puisque c'est un peu l'exemple parlant du moment, et c'est un phénomène, mais à mon avis, déjà, Fortnite est un petit peu ça, c'est-à-dire que t'es à mi-chemin entre le jeu de tir, parce que vraiment, ça demande des vraies compétences en visée, etc. Ouais, on est en TPS, ouais. C'est vraiment du costaud, et d'ailleurs tu vois que parmi les très bons joueurs, t'as d'anciens joueurs de Counter-Strike sur Fortnite. Okay. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à contrario, t'as aussi beaucoup d'anciens joueurs de League of Legends qui aujourd'hui sont très bons sur Fortnite, parce que ça allie énormément de sens de la stratégie, en fait. Et déjà, on est sur un jeu qui est un petit peu hybride, parce que t'as, pour être bon à Fortnite, il faut être bon en visée, il faut être bon en stratégie et en placement de jeu. Il faut être bon en mécanique de construction, parce que ça fait aussi partie du cœur de gameplay. Ouais. Et en travail d'équipe, parce que on est deux. Aujourd'hui, sur la plupart des compétitions, elles se font en duo. Et donc, il faut être capable de bien communiquer, faire les bons choix à deux, etc. Et finalement, on est déjà sur quelque chose d'hybride. Et effectivement, je pense que c'est aussi le brouillon de choses qui vont arriver à l'avenir, qui vont mêler pas mal de choses. Donc déjà, là, on est sur un jeu... on va dire mi-jeu de tir, mi-jeu de stratégie. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est un aussi bon jeu. Et que le succès, à mon avis, est complètement mérité de ce jeu et qu'il est beaucoup moins bête que ce que beaucoup essayent de nous faire croire. Et je pense que ceux qui le pensent ne connaissent en fait pas le jeu. Et que effectivement, c'est annonciateur de pas mal de choses qui devraient arriver à l'avenir. Et ce que j'aimerais aussi, dans le e-sport en général, c'est que ce soit moins concentré sur 2-3 jeux. Parce que finalement, on oublie tous les autres jeux qui existent, qui sont très bien. Après, c'est le public qui fait ça. C'est la popularité, c'est sûr. Tu regardes dans le sport, c'est déjà ça. Parce que il y a quelques sports qui ressortent. T'as le foot, le basket, le tennis. Ouais, c'est ça. Mais et le croquet qui s'écampe. Mais oui, non, mais c'est complètement ça. De temps en temps, on a la natation et l'athlétisme, mais le nombre de jeux qui de sports qui ne sont quasi pas représentés dans les médias. On va prendre le tennis de table, l'escrime, enfin tout ça, c'est on n'en parle quasi pas. Et moi, j'aime bien me dire, voilà, il n'y a pas un ou deux jeux qui te saoulent tout le temps parce que tout le monde en parle. Ce que tu aimes, c'est avoir le choix. J'aime beaucoup avoir le choix. Ça va devenir un running gag dans la Fcast. Ah oui. C'était il y a 2 mois ou il y a 1 mois, ouais, effectivement. C'était le mois dernier. Le mois dernier, ouais. Quand on parlait. C'était pas moi qui en parlais. Mais oui, non, mais c'était pour faire un petit coucou à Duncan et faire référence au dernier numéro. C'est ça. Je pense qu'on va garder en mémoire cette notion de choix. Mais oui, effectivement, avoir peut-être plus de diversité que 5 jeux qui représentent 80% de l'audimat. Après ça, en soi, c'est les spectateurs qui font le choix, en quelque sorte, de regarder tel ou tel jeu. C'est vrai. Après, moi, je prends l'exemple typique de Fortnite à nouveau. Rapidement, je ne vais pas me trop m'étaler. Mais surtout qu'à un moment donné, j'allais sur YouTube, il y avait énormément de vidéos de Fortnite, ce qui fait que moi, j'ai eu trop d'informations. Et je dis, j'en ai marre. Je ne peux plus voir ce monde. Carrément. Parce qu'en fait, c'était trop. Et je trouvais que du coup, c'était au détriment d'autres jeux. Mais d'un côté, on parle quand même d'un phénomène qui est absolument monumental. Ah, oui. Pour moi, un phénomène comme ça, dans le monde du jeu vidéo, on n'avait pas vu ça depuis Minecraft. Minecraft, j'allais dire. Et Minecraft, à l'époque aussi, on n'entendait parler que de ça. Puis à l'époque, il y avait aussi Counter-Strike, où tout le monde parlait de Counter-Strike. Ouais, carrément. Ouais, mais... Une autre échelle. Hein. Voilà, c'était une autre échelle. Déjà, Minecraft, ça avait pris une ampleur de dingue. Ah oui, en 2009. Et aussi, t'allais sur YouTube, dans la catégorie jeux vidéo, t'avais en gros Call of Duty et Minecraft. Oui. T'avais que ça. Hein. Oui, c'est ça. T'avais en gros ceux qui faisaient des tutos Minecraft sur comment faire ceci, comment faire cela, ceux qui faisaient leurs aventures en mode survie. Ouais. Et sinon, t'avais des gameplays Counter-Strike, des trickshots et des trucs dans le genre. Et t'avais pas beaucoup d'autres choses. De temps en temps, de Battlefield et voilà. Ouais, c'était vrai. Et un phénomène comme Minecraft, bah là, on a Fortnite, mais on en a pas eu beaucoup d'autres au cours des 10 dernières années. Donc, effectivement, généralement, c'est ce qui se passe avec un phénomène. T'as le très grand public qui se laisse emporter et tu vas avoir des niches qui vont en avoir ras-le-bol jusqu'à avoir envie de vomir presque. Quoi. Ouais, mais dans la musique, c'est un petit peu la même chose. Oui, c'est là pour tout. Musique, cinéma, c'est clair, sport. Moi, ma vision à l'avenir, on a commencé un petit peu à évoquer le truc, mais clairement, là, je vais même presque parler d'attente, mais moi, j'aimerais vraiment que les choses se structurent, en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est encore assez peu structuré, c'est-à-dire que c'est tel éditeur qui va organiser sa compétition ou telle marque, etc. Moi, j'imagine très bien des espèces de systèmes, comme dans le sport, de fédérations qui vont se monter, des vrais clubs et plus de choses vraiment amateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de club d'e-sport, on pense tout de suite à club pro et on pense assez peu à... je sais pas, ça pourrait être un club dans une ville, etc. Où se monte une équipe... avec des entraînements hebdomadaires, etc., pour tel ou tel jeu. Alors là, ça demande un vrai changement de mentalité aussi sur la perception du jeu vidéo, et même encore plus loin, du jeu vidéo comme un sport. Parce que là, en gros, il faut passer deux caps, c'est-à-dire accepter que déjà le jeu vidéo, voilà, c'est complètement rentré dans les usages, etc., de tout le monde, mais aller encore plus loin, se dire que, voilà, maintenant on va traiter ça un petit peu comme on traite un sport, et que... voilà, ça bascule. De toute façon, on y vient, c'est qu'en gros, j'ai entendu parler de cette histoire, tu dois être au courant, c'est que TF1 s'intéresse sérieusement à l'e-sport, de là à en faire une émission. Alors, je sais pas du tout. Je pensais que tu allais me parler d'autre chose en fait. Non, je pensais à ça, parce que justement, par rapport au fait de toucher un peu toutes les mentalités, d'installer un peu l'e-sport comme quelque chose, que c'est une discipline sportive. Non pas des gens qui jouent à des jeux vidéo simplement. passer comme ça sur des médias mainstream qui toucheront Madame Michu et Monsieur Tout le Monde, ça permettra de mieux comprendre. Mais à mon avis, la condition pour que ça se passe bien, c'est que ce soit présenté par des vrais connaisseurs, en fait, mais qui sachent s'adresser au grand public. Et c'est ça qui m'inquiète. Le risque, c'est soit de mettre un présentateur qui présente bien, mais qui n'y connaît rien. Ouais, ça c'est chaud. Et donc là, on va se rater. Soit de prendre le mec qui s'y connaît hyper bien, mais finalement, qui connaît tellement bien qu'il n'est pas capable d'en parler simplement au très grand public. Parce que passer ça sur TF1, c'est aussi s'adresser à un public qui, peut-être, jusque-là, ne s'y est jamais intéressé. Mmh. Et à mon avis, il va falloir être très pédagogue, expliquer énormément les choses, très bien présenter les choses. On a déjà parlé, mais je pense que des figures comme Bertrand Hamar, etc., pourraient être très bons pour ça. Ouais. Et pas tomber sur des personnes qui finalement sont hyper spécialistes. Mais d'ailleurs, Bertrand Hamar s'investit pas mal dans l'e-sport, j'ai vu dernièrement. Et l'autre chose sur laquelle j'allais rebondir, en fait, je pensais que tu allais me parler d'autre chose, vu qu'on parlait de club. Je ne sais pas si tu as vu, mais LDLC, en partenariat avec je ne sais plus qui, vient d'annoncer l'ouverture des premières classes e-sport-études. Un peu comme on avait les classes sport-études, pour ceux qui faisaient en gros la moitié de leur temps du sport dans l'optique de devenir sportif pro, mmh. et la moitié de temps en études. Et ben là, en gros, ce serait des lycées ou des études pro où on serait moitié du temps en études et moitié du temps entraînement e-sportif. Quoi. Donc, il y aurait des écoles qui ouvraient ces... Ouais, ouais. Bah, alors déjà, il y a une école e-sport qui a oui. été lancée, mais ça a donné l'impression à beaucoup que c'était avant tout du business. Là, on arrive sur quelque chose qui semble un peu plus cadré, parce que il y a quand même beaucoup d'e-sportifs qui disent, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends sur des vidéos, etc., arrêter complètement les études pour se lancer là-dedans. Aujourd'hui, c'est trop risqué. Alors que justement, une solution comme l'e-sport études, ça peut être assez pertinent, ça a fait ses preuves dans le domaine sportif, pourquoi pas dans l'e-sport. C'est déjà aussi un nouveau cap qu'on passe. C'est-à-dire que là, c'est carrément dans le cadre de l'éducation, on commence à accepter ça, quoi. Moi, je trouve ça assez... enthousiasmant de se dire que voilà, là, les choses commencent à se construire. Et la dernière chose, c'est que pour le moment, si on a envie d'être spectateur d'e-sport, il faut lancer Twitch, ou il faut lancer du YouTube Gaming, etc. Pour moi, la prochaine étape, ben, c'est des lieux dédiés à ça, quoi. Et j'en parlais tout à l'heure avec des espèces d'arènes ou de stade dédié à l'e-sport. Comme pour le sport. Qu'en gros, qu'on puisse aller dans des lieux pensés pour ça, pour profiter avec des technologies pensées pour vraiment de compétition de manière top. Parce que l'autre problème aussi souvent dans l'e-sport, c'est que finalement on capture juste la partie, et côté spectateur, il n'y a pas exactement la plus-value qu'on pourrait avoir, un peu comme ce qu'on a dans le foot, etc., ou dans le sport, c'est-à-dire des vues différentes de ce que voient les joueurs. Ah. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais qui est dans les jeux des espèces de systèmes de caméras un peu extérieurs, voire même qu'on puisse voir, je dis n'importe quoi, mais les parties en réalité virtuelle. Tu vois, en gros, on mettrait un casque et on verrait tout le terrain autour de nous, ou je sais pas, mais en gros, qu'on puisse profiter de l'expérience e-sport dans d'autres conditions, tu vois, que juste lancer un stream et voir la même chose. Je pense qu'on y viendra. Justement, ouais. Encore une fois, c'est les évolutions de ces jeux pensés pour l'e-sport. C'est ça. Il y aura certainement des trucs comme ça qui vont s'ajouter. Exactement, là-dessus, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Ouais, je pense qu'on est pas mal. On a déblayé pas mal de choses. Je suis assez étonné, t'avais quand même plus de choses à dire, et des fois précises sur des choses que ce que je pensais, et je te l'avais dit. Sur un sujet comme ça, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est très enthousiaste sur la question et un autre qui est beaucoup moins intéressé par la chose, parce que justement ça apporte deux visions. Ouais, puis ça permet quelque part de vulgariser un peu. Ouais, et d'apporter, je pense, un juste milieu aux choses. Si je devais vous donner quelques conseils de petites choses à regarder, moi aujourd'hui pour l'e-sport, il y a une chaîne Twitch que je trouve hyper pertinente. Enfin, c'est même plusieurs chaînes Twitch, mais bah, c'est celle de Solary, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais je trouve qu'ils font vraiment un travail qui est assez exceptionnel, et pour un peu rentrer là-dedans, c'est assez pertinent. Donc, aujourd'hui, ils streament principalement du League of Legends, du Fortnite, du Hearthstone, et je crois du Super Smash Bros. Depuis peu. Donc, identifiez le jeu qui est susceptible de vous intéresser, et n'hésitez pas à suivre, notamment sur des temps de compétition, parce que à chaque fois ils ont des présentateurs qui expliquent un petit peu ce qui se passe et c'est hyper bien fait. Moi je regarde principalement pour Fortnite et ils ont carrément le coach de leur équipe qui vient et qui commente et qui dit en quoi ça c'est une bonne action, etc. Et un autre qui est un ancien joueur pro qui aujourd'hui est devenu commentateur. Et là, tu sais que les gens qui parlent du jeu savent de quoi ils parlent et c'est vraiment intéressant. Je suppose que c'est exactement la même chose sur League of Legends, Hearthstone, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On a fait le tour du débat. Je viens de penser à un truc, mais on n'a pas réfléchi à l'avance sur les sujets à faire voter pour la prochaine fois. Ouais. Mais ce à quoi je pense, c'est qu'entre-temps, le 3 sera passé. Est-ce qu'on partirait pas pour le mois de juillet sur un numéro où on reviendrait un petit peu sur les annonces de l'E3 pour parler un petit peu de ce qui nous a plu, déçu, voilà, ouais, qu'est-ce qu'on a pensé ce de... Ce serait bien, je pense. Donc on parle là-dessus. Ce qu'on vous propose, c'est de se donner donc rendez-vous dans un mois pour un AFcast 7 dédié à l'E3. Merci Fabien d'avoir échangé avec moi sur l'e-sport et on se dit à la prochaine. Merci à toi. Salut. Salut.